Ouais. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît ! Les débats de Gérard. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, Phil Dard. Bonsoir, on a commencé directement le débat. On s'est dit, allez, on va se faire kiffer, on va commencer direct le courrier, on verra ça plus tard. Ouais, le courrier, je pense qu'on... Il y a deux, trois trucs sympas, mais je remercierai tout à l'heure les gens. Non, mais on peut les remercier, Manu. Oui. Manu. Oui. Manu, on peut remercier quand même les gens là du courrier quand même. Donne-moi ma pochette, man, parce que. On va faire ça parce que moi je suis pas au courant des petites. Des non petites mais affaires. On fait. Non mais Olivier, c'est bon. Ouais. Non mais c'est bon Olivier. Non mais ça y est, ça y est. Ouais, c'est bon. Oh non mais. Non mais fallait que je travaille. Non mais fallait. C'est un truc pour toi en plus. Non mais attends, minuit c'est minuit. Hein, bah oui, regarde, 23h58. Bah ouais, minuit c'est minuit. Bah ouais, je suis en avance, t'as de la chance en plus, tu vois. Les sondages. C'est parti. Ah, Manu va te les donner. Marigo nous a donné tout à l'heure. Donc je voulais remercier pas mal de gens. Hein. Je voulais aussi exclusive live à Suren. The Moustache of Suren Fucker Tour. Donc ça c'est sympa, donc il y a des prix à gagner, hein. Il y a pas mal de prix, donc je vais les remercier, je le lirai pas ce soir, je le lirai la prochaine fois. Homo Mag, hein, remercier parce qu'il y a pas mal de gens. Non, Homo Mag, tu laisses tomber, on en parle. J'en parle pas, même Homo Mag, on en a plus rien à foutre. Non, mais allez, ce que je veux dire, c'est basta. Écoute Gérard, c'est les gens m'ont envoyé des trucs que les gens font contre toi, donc je les remercie parce qu'ils dénoncent, tu vois. Parce qu'ils envoient les trucs, donc comme ça on pourra porter plainte. Donc je remercie les gens qui ont envoyé donc au Momag, qui ont envoyé GGTon numéro 3. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, attendez, j'avais d'autres trucs. Cinésex Vidéo Club, avec les vidéos interdites de Monsieur Machin. Il y avait aussi France Poire, hein, merci France Poire. Wipe Root, Paparazite. Il y avait aussi Homosex. Enfin, il y avait pas mal de trucs, donc je remercie tous ceux qui ont envoyé ça, c'est gentil, on va pouvoir enfin porter plainte. Donc continuez à nous envoyer des trucs, si vous avez des trucs que vous voyez chez vous, dans les rues, tout ça, envoyez. Pour qu'on fasse le dossier. Non mais moi ce que je voulais remercier quand même, c'est les gens qui pensent quand même à Max pour quand même le bonbon, parce qu'apparemment il se plaint qu'il a rien, et c'est vrai que pour l'instant on n'a rien. Donc c'est pas grave, bon on va commencer, donc on va saluer Olivier de la production qui est là à l'AREA. Bonsoir. Bonsoir à toi Olivier. Manu. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fildar. Salut, tu vas bien? Salut Gégé, ça roule? Fildar au standard. Bon, et le grand bien. Retour. Oh, putain. Le grand retour qu'on putain, attendait. Rigo au standard. Et il paraît que c'est ton anniversaire. Alors je suis pas au standard, je suis sur l'IRC. Bonsoir. Ah, pardon. C'est plus mon anniversaire vu qu'il est minuit 8 secondes. Ah merde. Ah mais c'était l'anniversaire. C'est con, on avait une Porsche dehors quand tu vas faire. C'est con. Donc le grand retour de Rigo qui est sur l'internet. Donc Rigo, tu m'as dit que tout à l'heure... On était déjà 7700 pendant que j'étais hors antenne. Et là on est déjà 7324. Ça fuse sec. Bravo. Je peux quand même dire qu'on te retrouve toutes les semaines sur Europe 1 dans On n'a rien à cirer. Tout à fait. Ouais. Ça, on n'en a rien à foutre, tu vois. Maintenant. Ça, tu maintenant... peux t'en passer, par exemple, tu vois. Ouais, mais je peux faire ma pub, c'est normal. Non, mais maintenant, ils vont fermer leur micro, là. Je peux dire que t'allais remplacer une gaffette aussi, mais. Non, mais là, j'ai maintenant. Maintenant, vous allez éteindre vos micros, puis vous allez me trouver des bons auditeurs. Par contre. Manu, si t'es gentil, si quand t'as des auditeurs, tu leur demandes la fréquence, c'est pas à moi de les chercher parce que là il me manque une fréquence et. C'est laquelle? Dijon, 106. Attends. 106.2. 106.2. Non mais on va 806. 806, bien sûr, pourquoi pas. La voiture. Bon, on appelle donc on a gros pouce. Mousse. Gros pouce. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi, donc Paris 101.9. Exactement. T'as un portable? Non, pas du tout, t'es ouf ou quoi? Tu commences pas comme ça, s'il te plaît, parce que déjà, tu as baissé ta radio derrière. Ok, très bien. Hein? Je crois qu'on t'avait prévenu en antenne. Non, mais j'ai pas de radio derrière, donc... Il y a quand même un petit écho, donc... Donc, Boulimix. Ouais, tout à fait. Bonjour. 28 ans de Nancy, 100... Oh! On se calme derrière, Nancy 103.3. Ouais, c'est ça, bonsoir tout le monde, Happy Birthday Rigo. Merci mon pote. Ouais. Et Hachi, oh là. Hachiche kebab. Oh, c'est chaud. Hachiche kebab. Kebab. Ouais, donc Tour 102.8. Ouais, salut Gérard, salut tout le monde, bon anniversaire Rigo. Bon, ouais. Ben, merci ma pote. Slipwatch. Slipfast. Ouais, Slipwatch de Dijon. Exact. Ta fréquence 102.5. Et bon anniversaire Rigo, bonsoir Filda, bonsoir Manu, et je fais un gros bisou sur le clito Angélique. Salut. Et merci mon pote. Ben, je t'en prie. Bon. Alors le débat va pas. Je t'ai attendu l'autre fois, oui, Hydro, t'es jamais venu. Bah ouais, pas tous les jours quand même. Ok. Bon, ça y est, c'est fini là. Tu me dis que. Tu commences pas comme ça, toi, parce que sinon tu vas virer. D'accord, Slipwatch. D'accord. Ok. Alors que représente pour vous la bulimie? Alors que représente la bulimie pour vous? On va demander à. Ouais. Bah, oui, ben. Ah, si, je sais pas quoi, là. Bah, pour moi, la bulimie, c'est en Amérique du Sud, à côté d'Équateur. Ouais. Non, la bulimie. La la bulimie. Ah, ah, c'est pareil. C'est pas la bulimie. Je crois que c'était la Bolivie. Alors, moi, j'ai tout préparé sur la Bolivie. C'est clair. Ouais. Oh, qui c'est qui m'a. Qui moi, c'est qui... Kid. Non, hey, oh. Déjà, qui c'est qui m'a préparé ces auditeurs? Non. Hey, arrêtez de vous envoyer la balle tous les deux. J'étais pas là, moi. C'est lui. Il y en a un qui me dit. J'étais c'est l'autre. Non, il faudrait peut-être savoir là. C'est pas grave, on y va. Non, mais. Ah bah, j'étais aux toilettes pour mettre des boules caisses pour le nez parce que ça pue. Tu vois, c'est. Tout à l'heure, tu vas te prendre des. Il va te le nez, tu vas voir. Oh, te mouche pas. Mais je te jure qu'il est vraiment en vacances, Gérard. Hein. Il a pas envie de. Non. Il a pas envie d'en faire lourd. Tout à fait. Hein. Bon, allez. Ça y est, j'ai réussi. On y va là, c'est bon. Bon, allez. Allez, assis sur tes babes là. Ouais, non, mais. Allez, ouais, hop, on y va là, allez. Bah, c'est à toi de dire ça. Allez, tu repasses, allez, oh. Tu balances, tire, allez, bon, alors. Moi, la boulimie. Oh, c'est... un peu de ventilo là. Oh là. Ventilo. Avec des grappes de la ventilo, je me décale. Je commence à fouetter là. Et on voit la ventilation. Éventez-le. Putain, c'est parti. Bon allez, tu réponds là. Achiche, toi, tu travailles ou quoi, la merde? Bon allez, Achiche, sors là. Allez, hop, dégage. Allez, hop, la première question, tu t'en vas. Bonne nuit. Bonne nuit pour tour. Non, mais allez, hop. Pas trop, il y a ta jambe qui est en train de se détacher. Là. C'est poche. Allô, oui, bah alors, les boulimiques. Déjà, c'est une maladie, je pense que c'est la maladie... Par Manu laquelle... Manu, tu lui dis au revoir à Achiche, hein. Terminé voilà, pour ouais, elle. Elle est partie en boulimie, là. Faites gaffe parce que je crois que ce soir ça va aller vite. Hein. Ça va être chaud. Gérard. Donc est-ce que je peux m'exprimer quand même? Stop. D'accord. Stop, désolé. Sur IRC, il y a une très bonne question de Omer LF91 qui te demande si tu connais la capitale de la boulimie. Non, il n'y a pas de capitale parce qu'en fin de compte, c'est un truc sur le poids. C'est ça, City. Comment? J'ai pas osé, ouais. J'ai cru mal entendre, là. C'est Sandy City. Bolimix, au revoir. Allez. Ouais. Bolimix, tu bouges. Non, mais ce soir... Ça y est. Non, mais ce soir, je vous préviens... Ouais. Bah, c'est prévu jusqu'à 2h15 du matin, on va y aller. Non, on peut faire un débat correct, là, ou pas? Ouais, bon, les boulimiques, là, tout ça, ils souffrent. Bah, alors, si ce passe... Ouais, donc, ouais, la boulimie... Hey, tu travailles. Oui, excuse-moi, j'étais en train de me branler. Allez, on va essayer de se calmer un peu, Gérard. Non, mais il va se branler ailleurs. Allez, hop, on va prendre place sur un débat. Mais c'est pas grave. Okay. Gérard, pour continuer dans le débat, il y a Yankee, il dit qu'en fait, la boulimie, c'est comme un kyste en plus gros. Non, alors, en fin de compte, comme on a... Gros pouce mousse là. Ouais. Donc on n'a plus que toi malheureusement. Ouais, malheureusement. Ça t'es déjà plus que ouais, mais... Non mais de toute manière, je gère tout le monde parce que ça commence déjà à me gonfler. Parce qu'il y en a qui s'amusent à parler de n'importe quoi. Donc alors pour toi, que représente la boulimie? Bah la boulimie c'est tu te fous un pouce dans la gorge quoi. Un gros pouce et puis tu gerbes pour. Non, je pense pas. Hein. Bah si, c'est ça. Ah non. Bah, si, arrête de me prendre pour un con. Attends, tu veux faire comme les autres, toi? Je sais pas, ça dépend quoi. Pour l'instant, c'est pas très passionnant, donc bon. Déjà, t'es presque tout seul à l'antenne, alors ça serait con quoi. Si tu veux faire comme les autres, tu le dis, il y en a pas pour longtemps. Ok. Alors tu réponds correctement à la question. J'ai répondu, c'est ma réponse, c'est comme ça, c'est tout. Ah, alors parce que tu te mets un pouce. Fais gaffe. Ouais. Et tu vomis. Bah ouais. Non mais tu me... c'est ta réponse? Ben exactement. Et tu crois que tu vas continuer comme ça le débat? Ben je sais pas, ça dépend. Ben je sais pas. Pense que ouais, franchement ouais. Ben moi je pense qu'à mon avis là t'as tout faux. Hein. Déjà c'est pas voilà, ça. C'est quoi? Déjà la boulimie c'est des personnes qui mangent de trop. Ouais. Merci pour le Larsen. Voilà. Donc la boulimie c'est des personnes qui mangent de trop. Ouais. C'est oui, Manu. Après, vas-y continue. Non, Manu. Si on a d'autres personnes. On a personne. T'as viré tellement sauvagement les gens qu'ils ont fait qui flippent maintenant. Donc continue ton explication. Ah non. C'est juste ça que je voulais te dire. Non, vas-y continue. Tu parlais, Gérard. Vas-y continue. Finis ce que t'étais en train de dire. Donc la boulimie, c'est des personnes qui mangent. Donc qui mangent n'importe quoi à longueur de journée. À quelle heure? Non, mais à longueur de journée. Et quoi? Non mais ils mangent de tout hein. Mais la boulimie ça a un rapport avec les bols, enfin ils mangent des trucs dans des bols. Non, pas du tout. Rien. Non, la boulimie c'est si tu veux c'est quelqu'un qui a tendance à trop manger. Trop manger. Et donc qui mange ce qu'ils veulent à longueur de journée, par exemple, tu vois, on va pas citer la marque, mais t'en as qui peuvent manger du sucre toute la journée. Oh les gars. Non, on a dit pas de marque, il l'a fait exprès, pas dire. Il a dit on va pas citer de marque, je commençais pas. Bouchard. Bon, okay. les deux standards, vous allez faire votre boulot correctement, parce que sinon on va faire venir Noémie et puis quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui commande, d'accord, c'est moi qui commande le jeudi. Mais pour l'instant, ta réponse, elle est toute pour avant. Donc c'est toute la journée, la nuit aussi ou pas? Non, mais il faut savoir si, genre, quand tu dis boulimie, c'est des fibres, les féculents, tout ça. Non, mais de toute manière, c'est des gens qui mangent n'importe quoi toute une journée. Donc ils peuvent manger des fibres à longueur de journée. Mais de toute manière, tu as donné, par exemple, quelque chose. Tu vas lui dire, par exemple, des fibres? Non, mais elle va manger n'importe quoi, c'est-à-dire de la salade, tout ça. Des fibres. Mais non, pas des fibres. Putain. Pourtant, les fibres. Dire, le fibre. Bon, toi, par exemple, quand on est boulimie, on est gros? Bah oui, bah la boulimie, c'est quoi? C'est parce que t'es gros. Donner du caviar au cochon, c'est un rapport? Mais non. Est-ce que tu connais des gens de ton entourage qui sont boulimiques? Non. Comment? Alors, gros pouce, au revoir. Allez, hop, terminé pour toi. Ça t'apprendra. Allez, hop, terminé. Hop. Manu. Ça vient. Donc, tu peux peut-être un petit sondage, vite fait? Ouais, bah, on va faire un petit sondage, parce qu'apparemment, ils ont l'air de se branler les couilles, là, au standard. Alors, avez-vous déjà eu de la boulimie? Alors, 48% des gens répondent oui, mais c'est bien probable. 27% répondent que c'est leur problème. Bon, ça, c'est vrai, ça regarde chacun d'eux. 17% des gens ont porté plainte contre McGraw. Alors là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ah. Et 9% sont plus intéressés par la boulimie. Alors, des gens qui portent plainte contre McGraw, à mon avis, niette. Bon, des gens sont plus intéressés par la boulimie, ça c'est leur problème. C'est le kiwai. 27% répondent que c'est leur problème. Ça c'est vrai que ça concerne la personne, donc si la personne est bien dans sa peau, c'est bien. Et 48% des gens répondent que oui, mais c'est bien probable. Alors là, je comprends pas du tout la... Moi non plus, quoi. Moi non plus. Je comprends pas là sur les 48% des gens qui répondent oui, mais c'est... Oui, c'est bien probable. Probable de quoi? Probable. Bah oui, là. D'être boulimique, peut-être. C'est quoi, là? 48% des gens répondent oui, c'est bien probable. Et après, on n'a pas la suite. Ah oui, ça craint ça. Là, hop. Il y a une erreur. Donc, si on n'a pas la suite du sondage, on peut rien faire. Bon, Gérard, pour en revenir au débat sur l'IRC et sur le super site radiogérard.fr.fm, quand même... Attends, Rigo, tu l'as ? Il y a eu une erreur sur le sondage, je tenais à le signaler à l'auditeur. Ah. Non, mais moi, je préfère te signaler, Fildar. Oui. Que c'est un avertissement, tu t'attrapes là. Ah, déjà ? Et déjà, je crois que le premier avertissement, tu vas aller... voir dehors si j'y suis, non, et on va faire venir Noémie. Non, on va attendre un peu, on va lui laisser sa chance. Non, mais moi je veux pas le savoir. L'autre, vas-y, je te la coule douce, je viens voir les sondages. Donc je parle à Rigo. Donc petite question de Judge de Lyon sur l'IRC qui te demande si on peut se faire opérer de la boulimie. Tiens, regarde, c'est là, Ali. C'est pas semblant. Alors là, pour ce, c'est vrai que c'est une opération, mais... La thyroïde, c'est une opération, et ça, de toute manière, on va en parler lors du débat. Ah oui, tu vas parler de la glande thyroïde. Oh, ta gueule, à toi. Allez, hop. J'ai trouvé des gens, GG, si ça t'intéresse. Alors, vas-y. Alors, on a... Il y en a un dans le 15e, non, faut pas aller le chercher. On accueille Wet Watcher. Attends. Oui, bonsoir. J'ai envie de câlin. Ça. Déjà, pour commencer, on va bien être d'accord que le prochain que j'entends parler de ça, c'est simple, clair, net et précis, j'arrête. Donc, alors, Manu. Donc, je flippe un peu maintenant. Je flippe un peu. Calorix. Ouais, bonsoir. Calorix, on t'appelle d'où? Dans La Rochelle. La fréquence 109.9. Qu'est-ce qui se passe? Accueil aussi. Au chaud. Oh merde, ils sont... J'ai absolument rien fait. Tu remarqueras que il y a que les micros en rouge et l'insert. Hein. Donc, commence pas à me regarder sur le téléphone. Hein. Ah, t'as démonté l'idiote, t'es un enculé. On accueille Petit Balance. On dit pas. T'as vu de quoi il m'a traité? Je sais. Petite Balance. Je sais. Petite Balance. Ta mère. Bonsoir Gérard. T'appelles d'où? De Saint-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Comment? Saint-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, 91. Ouais, donc 101.9. 101.9. Bonsoir à tous les auditeurs qui restent, quoi. Après, il y a trop d'humour. Suppositoire. Bonsoir. Bonsoir. Salut, suppositoire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, suppositoire, au revoir. C'est pas moi. Suppositoire, tu lui dis bonne nuit. C'est peut-être un remède contre la boulimie. Au revoir. Tu vois, ça y est. Bon, vas-y. Alors, je préviens là maintenant parce que là, ça commence à me gonfler. Il est minuit et un quart. Ouais. Ça fait déjà. Je l'ai pas mis une seule fois encore. Oh, les bandes de câbles là. Non, on se disait tous les trois que direct, Max, il est arrivé, direct, t'as commencé à gueuler, un truc de fou. Non, non. Ouais, moi, je vais vous dire une chose. C'est la bête là, un peu. Ouais. Ouais, ça fait déjà deux fois. Donc vous retrouvez des auditeurs, je veux pas de ça. Je ne travaille pas comme ça, au revoir. C'est marrant, tu me fais penser à nous. Parce que là, pour l'instant, vous avez des auditeurs qui s'amusent à balancer « J'ai envie de câlin !» Alors ceux-là, qu'ils aillent se faire foutre. Elle est excitée, la cochonne. Et la cochonne, elle t'emmerde. Au revoir à toi. Alors, les trois auditeurs qu'on avait, bonne nuit. Ah bah non. Et on va déjà s'écouter. Déjà, j'ai pas de disque. Tu peux... Ça marche bien. Non, il n'y a pas de disque. J'ai pas, on m'a pas donné de disque là. Toi, tu me cales ça et c'est tout. Ça. Tu t'écrases. Maintenant, standard, vous allez me prendre petite des balance, gens. Balance, rapide. 12 ans. Vous allez prendre des gens rapidement. Vous allez prendre des gens. Vas-y, tu peux prendre la question. Non. Attends, Petite Balance, il a 12 ans et c'est la première fois. Non. Ouais. Je veux pas des gens de 12 ans. Faut être sympa. Regarde, faut tenir en 1h45. On peut être polémique à n'importe quel âge. Oh non, je peux pas tenir avec deux cons comme ça. Non, allez. Non, personne répond, vous en... Personne répond. Personne répond à la question. Vas-y, fais ton taf. Personne répond à la question. Travaille un peu. Vas-y, fais ton taf, là. Alors la feignasse, ça tombe bien, tu dégages, au revoir, allez hop. Bonne nuit à ceux-là, allez Manu. Allez, voilà, tout à fait. Tu les vires tous. Bonne chose de faite. Gérard, sur IRC, on a une petite question de Perfora Stouff de Bab. Non mais calme. Pour calmer, justement. Tout à fait. Il voulait savoir à partir de combien de kilos devient-on boulimique. Et ça ferait combien en grammes et en euros? Non, ça en euros, on peut pas dire, mais en kilos, je vais dire une chose, ça dépend de ce que la personne mange déjà, en général. Et en grammes? Tout ça dépend de la personne. Hein. Mm-hmm. Si la personne peut très bien manger des trucs hors... Moi, le micro à fil d'or. Des trucs qui font pas grossir, c'est ça que tu veux dire? Non, mais il y a des trucs qui font grossir, il y en a d'autres moins. Mais il faut dire une chose, que la boulimie, c'est vrai, c'est un truc que les gens mangent, qui mangent et qui font pas attention. Ah, d'accord. Et ça peut avoir des causes par la suite. Hein. Donc voilà. Justement, il y a IR sur l'IRC qui me demande si ça a un rapport avec les 35 heures, de manger pendant 35 heures. Non, ça n'a rien à voir avec les 35 heures. Hein. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir. Combien qu'on est, sinon, à peu près quelque chose. Bah, on a descendu un peu du fait qu'on ait perdu des auditeurs à l'antenne. Ouais, mais ça, je m'en doute. Donc on est 6842. Ah, moi, 6842, mais on va récupérer rapidement. Ouais, y a l'hypothèse, sinon. Alors, pour ça, on va s'écouter Gérard, le fils de mon oncle, avec les bons petits plans de régime et de logement à petit prix. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du débat, en espérant qu'on aille des bons auditeurs, pas des caves. C'est moi qui m'en prends plein dans la gueule, tu vois, et moi à chaque fois, ça... Non mais franchement, j'en parle avec Gérard, ça me déprime, quoi, parce que tu vois, à chaque fois, je me fais engueuler, quoi. Par contre, il y a un truc, j'en ai marre, c'est j'ai envie de câlin, c'est vrai que je veux plus l'entendre ce soir. Mais ça, mais moi j'y suis pour rien à chaque fois, tu vois, je me prends après Maxime en gueule et tout ça, tu vois, c'est pareil, quoi. Non mais franchement, Gérard, tu vois, c'est pas cool. Olivier, s'il te plaît, t'es à l'arrière, tu le loupes pas constamment, d'accord? Ouais, mais je veux bien parler de la boulimie, tout ça, mais à chaque fois, je me fais engueuler. Pour l'instant, tu te la fermes, pour sinon... Conneries, finalement. Bon, alors, tu vas retourner dans ton bureau et ça va être terminé. Ouais, merde. Comme ça vaudra mieux. Toujours pas mal. Non, mais pour te dire, Rigo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un auditeur qui a enregistré la voix en samedi. Ah, d'accord. Et que maintenant, il y en a un qui s'amuse à dire « j'ai envie de câlin ». Mm-hmm. Et en fin de compte, c'est la voix à samedi. Et le rapport avec la boulimie, il est où? Ben non, mais justement, quand t'entends de temps en temps « j'ai envie de câlin », mm-hmm, donc c'est quelqu'un qui prend la voix Sandy et qui s'amuse à la passer. D'accord. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite après, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. On se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. D'accord, après quoi? Après le disque, Gérard, le site de mon oncle, avec les bons petits plans de régime et de logement à petit prix, à tout de suite. Et voilà, vous venez d'écouter donc Gérard, le fils de mon oncle, avec les bons petits plans de régime et de logement à petit prix. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Donc maintenant on a fait tourner l'équipe, donc toujours Rigo qui est sur l'internet, bonsoir, qui est toujours là, donc toujours. Noémie qui est au standard, salut. Manu qui est toujours au standard, qui attend vos appels, et on a mis Fidler à l'aria à la place d'Olivier d'Apro. Voilà, donc je vais te demander une augmentation, parce que l'arrière c'est plus important que le standard. Non, alors pour ça on va appeler, pour ça on accueille Pest Personne, 19 ans, de Poitiers, 94.1. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Merci. Alors, voilà, qui c'est qu'un... Manu ? Non, enchaîne. Non, Manu. Manu, ouais. J'espère que tu leur as bien dit que comment que ça se passait, qu'on n'aille pas de portable. Ah, j'ai dit que tu étais très susceptible et qu'il fallait être gentil, ouais. Donc, Bifidus actif, 20 ans de Lyon, 91.7. Oui, c'est exact. Bonsoir Gérard, bonsoir à l'équipe. Bon. Et bon anniversaire, Rigo. Merci ma pote. Bonsoir. Dieterix, 21 ans de... Dieterix, Gérard. Ah, Dieterix, pardon. Ouais. Bonsoir. 21 ans de Marseille, 103.1. Tout à fait, bonsoir l'équipe, Happy Birthday Rigo. Merci. Un peu fini les birthdays là. Et puis le dernier, L'Hypossession. L'Hypossession, 27 ans de Lille. Oh, oui, bonsoir, 27 ans de Lille. Bonsoir, bon anniversaire. 87.7. Exactement. Merci. Donc voilà. Alors maintenant, les prochains auditeurs qu'on va avoir. Je ne veux plus entendre d'Happy Birthday. Mais ça y est, c'est terminé. C'est pour Rigo, merde. Non, mais il n'y a pas de merde. Maintenant, ton anniversaire. Ça y est, c'est terminé. On n'a pas tous les jours 16 ans, quoi. Non, mais ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. OK. Alors, on va quand même poser la première question après les petits problèmes qu'on a eus sur les premiers. Alors, que représente la boulimie pour vous? Alors, j'espère que vous allez répondre correctement ce coup-là. Donc, on va demander à Pest Personne. Alors, la boulimie, pour moi, c'est des femmes, en général, qui sont en déprime, leur mari, il est bas. Attends, déjà, je te coupe. Mmh. Déjà, la boulimie, c'est pas quelqu'un qui bat une personne. Ah, écoute-moi, ce que je veux dire, c'est pas terminer la phrase, peut-être déjà. Mmh. La femme, tu vois, si tu veux, elle est triste. Donc, elle réfugie sa tristesse dans la nourriture, elle mange, et voilà, quoi. Ouais, mais tu crois que c'est quelqu'un... parce que t'as dit que c'était... Parce que Non, non, merci pour la... Quoi? Non, non, pile d'art. Quoi? Que cet appareil photo, tu le redonnes à celui à qui il appartient. Je ne veux pas de photo pendant les débats. D'accord. Merci. Ok. Donc, je réponds à ta question, place personne, tout à l'heure. Oui, parce que si on... Si on écoute bien ce que t'as dit... Oui, j'ai Si on écoute bien ce que t'as dit... Oui. T'as dit c'était une personne qui souhaitait qui se faisait taper dessus. Oui, parce qu'elle peut être, influencée, tu vois. Son mari, il la tape, il a envie de divorcer, elle est triste. Non, non. Non, non, ça, non. Attends, je vais te dire une chose, une personne boulimie, c'est pas parce que c'est une personne que son mari lui tape dessus, c'est non, faux. Non, pas forcément, mais en général, quoi, ça peut être un facteur. Mais attends, non, mais on garde, donc c'est ta supposition. Oui, je disons, c'est ta réponse. Tiens. Oui, ma réponse, mais il n'y a pas que ça dans ma réponse, c'est bon, je veux savoir que ça, il y a ça. Pèse-balance, là, il dit que... Non, pèse-personne. Ouais, pèse-personne, il dit qu'en fait, c'est des facteurs qui tapent les femmes boulimiques. Oui. Mmh. Pour lui, ça serait quelqu'un qui tape sur une femme. Rigo, une question importante, IRC. Attention, l'IRC. Ouais. Non, c'est par rapport à. Attends, tu me coupes ça. Attends, tu me coupes ça. Ouais, merci, Fildar. Je peux faire tout de suite prévenir les auditeurs sur l'internet. Tout à fait. Que ceux qui s'amusent à parler de Sandy et du pont de l'Alma, ce n'est pas la peine. Non, en bande entendeur, salut. Pas de conneries. Voilà. Non, il fonctionne pas. Non, il fonctionne pas, il est éteint. Il est éteint. Oui, alors Hugo. Il y a une question de Dame qui te demande si les boulimiques peuvent devenir récidivistes. Comment ça? Ah, ouais, mais il faudra peut-être qu'il précise le fond de sa question, parce que là, récidiviste, c'est quelqu'un qui ressort de prison. C'est ça qui veut dire? Ouais. Est-ce que tu grossis en sortant de prison? Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont en prison pour ça, donc ils voulaient savoir. Non, déjà pour le rassurer, c'est pas en prison que tu arrives à manger comme ça. Hein. Je fais juste une parenthèse comparé à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a Thalassa sur l'IRC qui me demande le rapport entre Sandy et le pont de l'Alma. Ça, faut arrêter. Hop, c'est qui lui? Thalassa. Alors Thalassa, tu peux aller te faire foutre, je répondrai pas à ta question. Alors tu peux continuer à poser des questions à machiner, mais j'y répondrai pas. Donc tu me remets les auditeurs, Pilar, okay, merci. D'accord. Alors Bifu du feu actif. Salut, c'est Patrick, la voix du mélo. Oui, j'ai Bifudus. Pour moi, la boulimie, c'est une maladie qui atteint les femmes plutôt jeunes, donc les jeunes filles. Justement, les jeunes boudins, les jeunes boudins, oui. Non, non, mais justement, c'est une question qu'on allait parler. Alors, donc, tu réponds quand même à la première question. Mais j'y réponds. Je te dis que ça touche plutôt les jeunes filles qui ont du mal à accepter leur corps en tant que tel. Et qui donc se le déforme en mangeant trop ou en se faisant gerber, en se mettant des pouces dans la gorge. Le jeune homme tout à l'heure que j'ai entendu avait raison, oui. Non, mais. C'est pas de la boulimisme, ça, c'est de l'anorexisme. Oui. Voilà, justement. Attendez. Oh, camouette un peu. Merci. Oui, Rigo. Oui, donc justement, il y avait une question très intéressante de Destroy sur IRC qui demandait si les boulimiques peuvent devenir anorexiques. Si oui, dans quel sens? On vient de le dire. Mm-hmm. On vient de le dire en se mettant des doigts dans la gorge. Juste, non, pas dans le cul. Non, ça, on ça, est ça, poli. Ça, c'est vulgaire, ça, c'est autre chose. Oui. Non, mais c'est vrai que. Ça, alors, moi, Sandy, j'adore la sodomie. Mais ça, tu vois, c'est ça, quoi. Bon! Alors! Fildar, moi, Fildar, ça suffit. Mais on déconne, prix de la bête. Ça, je m'en doutais. T'inquiète. Je m'en doutais. Vous avez déjà dit le fait je de transpirer. Je m'en doutais. Donc, je m'en doutais du coup. Donc l'anorexie, c'est la différence de la boulimie. Donc tu voulais demander à qui? Non, je m'en doutais du coup. C'est pas nous. Que ce soir vous allez me casser les burnes. Mais non. C'est toi qui le fais. Alors non. Arrête, Fildar, s'il te plaît. J'arrête, promis. Grave de chez Grave. Je peux dire quelque chose? Oui. Ouais, vas-y. C'est pas personne. Un peu Noémie, on travaille au standard. Il faut rien, mais c'est ça qui veut dire. Non, mais on travaille au standard. Mais je m'en on laisse pas un micro. Oh, dans l'Espagne, micro allumé, on travaille. Gérard, vas-y. On y va. Alors, personne, il voulait te poser une question. Alors, pèse personne, ouais. Non, en fait, c'est pas une question, c'est pour revenir à ce qu'il a dit, je crois que c'était Spielberg qui a dit ça. Moi, j'ai vu dans un reportage des. Tu l'as bossé le débat. Rassure-moi, tu l'as bossé le débat, pèse personne. Ah oui, bien sûr. Parce que tout son collège écoute, hein. Donc. Ah, c'est ton cousin. Attends, la honte. C'est son cousin. C'est son cousin. Pèse personne. Oui, écoute-moi donc. T'as pas 19 ans, d'accord? Tu te fous de ma gueule. T'as 12 ans. Et t'as 12 ans. Allez, t'as pas le droit d'être sur l'antenne à ce soir-ci. Au revoir. Ici le CDI. Ouais. Tes parents là. Manu, s'il te plaît. Je vais voir un billet rose là. Manu. Manu, s'il te plaît, tu me vires pèse personne. Je crois que c'était Keneda en vrai. Non, tu me vires. Tu me vires pèse personne, tu lui dis que c'est la dernière fois que. Il s'achète un nom et un ballon. Internet, il retourne chez papa et maman. Ok, la vanne. Ah putain, je savais pas qu'il avait 12 ans celui-là. Ah, tu m'étonnes. Alors, tu l'as bien niqué, hein. Bifidus actif, tu voulais dire. Donc, toi, pourquoi la boulimie, la boulimie, ça a un rapport avec l'anorexie. Bah alors, que s'explique la différence entre la boulimie et l'anorexie. C'est pas trop compliqué, hein, quand même. Non, mais allez-y. Non, attends. Bifidus. Ah, mais je sais, elle a fait boulimie. J'ai fait un bug de boulimie, moi. Ouais. Bifidus. Oui. Elle bouffe des pépites. Diététiques. Diététiques. Oui, te calmes. Oui, bien sûr. Et l'hyposition là. L'hyposition s'il te plaît. Ouais, alors. Mais moi je suis un peu guédard dans le débat parce que je croyais que boulimique c'était le frère de gros quick, donc faudrait que tu m'aides un peu. Pour l'instant tu as te taire un petit peu. Tu fais cacao toi. Okay. Hein, tu as bouffé du banania. Ouais. Ok. Hein? Champion de la. Donc pour l'instant, vous êtes tous les trois, parce que là, on vient de virer un jeune de 12 ans. Je viens de retrouver quelqu'un. Ah, un jeune Albert. Eh oui. Alors, on récupère. On accueille Carlos Lagros. Carlos. Bonsoir à tous. T'appelles d'où, Carlos? T'as quel âge? J'ai 25 ans. Moi, j'aime ta barbe. Merci. Je kiffe quand t'as taillé. J'ai un bouc. Agen, quelle fréquence? Agen, 102.7. Bonsoir. Non mais ça y est, c'est terminé. Hop. Ça me fait toujours plaisir quand même. Bon anniversaire. Bon, alors. Donc moi je suis boulimique. Ouais. Déjà je tiens à le dire. C'est alors, cool, ça. Mais attendez, laissez-le parler. Ouais, c'est une maladie grave. Je trouve qu'on prend trop ça à la rigolade. Attends. Carlos. Oui. Carlos, tu m'écoutes? Pour l'instant, je prends pas ça à la rigolade, ça, c'est les autres auditeurs. Mais moi, je vais dire une chose, que c'est vrai que c'est une Oh, s'il vous plaît, les auditeurs. C'est une maladie horrible. Les auditeurs derrière, s'il vous plaît, vous me laissez parler avec Carlos, s'il vous plaît, merci. Donc, Carlos, tu me laisses Carlos en air. Voilà. Donc, Carlos. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez. C'est grave, hein. Assez grave. Et donc, c'est vrai qu'on n'en rigole pas. Parce que moi, personnellement, j'ai voulu faire un débat là-dessus, parce que je pensais qu'on allait avoir plus de personnes qui auraient été atteintes par ça. Bah écoute, moi je l'ai chopé là, cet après-midi, je suis avec ta... Non. tu ne l'as pas, tu peux pas la choper en espace de... Non. À 4h, j'ai mangé mes BN et après j'ai enchaîné direct. Mais c'est ça, t'as raison, fais-toi bien de ma gueule. Il a pris 40 kilos d'un coup et tout. Mais c'est ça, t'as raison. Mais t'as raison, fais-toi bien de ma gueule. Alors comment on devient boulimique, genre. Ouais. Voilà. C'est une pulsion, je veux dire, ça remonte à des lustres. C'est une pulsion qui est sécrétée par. Il est là, monsieur Mazur ou pas? Ouais. Non, pas encore. Alors je vais faire son boulot. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Salut Eddie. Ça monte un peu. Salut Boussaillon. Enfin, la boulimie, ça remonte à tous les temps. C'est. On essaie de faire des phrases sérieuses. Bonjour, c'est Joe Coco. Hey Carlos. Est-ce que c'est héréditaire ou pas? Carlos. Oui. Tu te foutrais pas de ma gueule? Non, mais la boulimie, c'est quelque chose de grave. Moi, j'ai pas envie de rigoler ce soir. Il y a des boulimiques qui nous écoutent, des toxicomanes, des insomniaques. Bon, alors, Carlos, au revoir. Il a raison. Attends, on est en train de parler. Stop! Carlos, on lui dit au revoir. Mais non, mais non. Carlos, t'es complètement ouf comme mec. Carlos, on lui dit au revoir. Je ne veux pas, je ne veux pas avoir de problème avec la, avec les gens. Je, enculé, alors va te le foutre, toi, espèce de pétasse. Ok, l'enculé, il va t'en, il t'emmerde. Alors Carlos, au revoir. Gérard, pour calmer le débat, j'ai une très bonne affirmation sur l'IRC. En fait, il y a quelqu'un qui te demande, c'est bon, Noémie. The Penguin. Noémie, tu fais ton boulot, ou sinon tu dégages. Noémie, tu fais chier. Gérard, tu dors. Arrête de gueuler. Là, ça commence à bien faire. Toi aussi, arrête de gueuler, c'est chiant. Maintenant, tu fais ton boulot correctement. Parce que moi, je vais pas continuer jusqu'à 2h15 avec une personne qui est en train de, d'écouter et pas de prendre des appels. Oui, Gérard. C'est clair, net et précis. Deuxième avertissement. Deuxième toi. Rigaud. Oui, alors c'est moi. The Penguin qui te demande de confirmer qu'on peut être anorexique du cerveau et boulimique du cul. Non. Parce que l'anorexique, c'est... L'anorexie et la boulimie, c'est pas du tout pareil. Oui. Tu peux... C'est la différence. La boulimie, c'est quand tu manges de trop, tu... Bon, tu manges, mais tu sais pas ce que tu manges. Et pas à force de manger, tu prends du poids. Et l'anorexie, donc, ça, c'est un problème. Il faudrait peut-être qu'on puisse avoir des gens, mais pas des nazes, pour parler de ça, parce que, apparemment, on n'a pas assez de personnes qui puissent nous aiguiller là-dessus. Mais l'anorexie, c'est à peu près pareil. C'est des gens qui se mettent des doigts dans... Juste dans la gorge pour se faire vomir. Et Gérard, ça, c'est pas Gérard, bon. Dis-moi, il y a des vaccins ou pas? Mais justement, Non, mais Gérard, les anorexiques, c'est ceux en fait qui mangent mais qui font pas caca. Non. La défense. Mais attends, attends, Fildar, s'il te plaît. La différence de la boulimie. Mais attends. Pour l'instant, on parle de. Noémie me parle d'un truc. Est-ce qu'il y a des vaccins? Non. Ouais. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Il n'y a même pas. À l'heure actuelle, on peut pas savoir s'il y a un remède pour ça, pour ces gens-là. Mmh. On ne peut pas le savoir. Mmh. Et c'est contagieux ou pas? Non, non, non, non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas, ça s'attrape pas. C'est pas une maladie comme, tout comme à l'heure. Et une fois que tu l'as à vie ou pas? Ah bah oui, ça. Sandy est dans la merde. Sandy à ton merde, ok. Alors, l'hypposition, bonne nuit. Allez hop, Manu, s'il te plaît, tu dis au revoir à l'hypposition, ouais. Comme ça, ça vient prendre. J'avais une question, moi, c'est Gérard. C'est génétique ou pas? Attendez, attendez, oh. Pas tous à la fois. Gérard, c'est génétique ou pas? Eh, attends, eh. On est, ouais. Eh, qu'est-ce que tu dis? On n'est pas la maternelle, je hein. Pose une question, Gérard. Bon, alors, c'est quoi? Je devrais savoir. Qu'est-ce que ça veut dire génétique? Si ton papa est boulimique, quoi. Oh merde! Chio, la famille! Chio! Chio, la famille! Viens Manu, chaud. Hey, Noémie, ta question, j'y répondrai pas, d'accord? D'accord, okay. C'est justement la question que tu me parles, est-ce que ça peut s'attraper avec la famille? On va en parler, est-ce que des gens de la famille sont boulimiques? On va en parler. Savoir si c'est héréditaire en fait. Ouais, moi j'ai une vraie question, un truc super, oui. Un truc intéressant, c'est est-ce qu'on est boulimique d'un seul endroit, genre boulimique du cul. C'est bien ce que je disais. Ouais. Ou boulimique du bide, ou boulimique du cou. Non. Ou du cou. Ouais, du coup. Non. Du coup, ouais. C'est surtout ça qui m'intéressait. Non. Non. Okay. Non, bah c'est en fin de juste pour savoir. Donc, t'es boulimique de partout, tu grossis. Non, partout. Mais tu grossis. C'est qui Genre boule de pu mystère quoi. Manu, j'ai pas cité de nom. Non, non, mais si, tu restes quand même poli. Il a dit mystère, c'est bon. Non, oui. On grossit partout en même temps. Ouais. Bah oui, automatique. Hein. Ça, c'est pour savoir, je me demandais. Parce que de toute manière, pour perdre du poids, une fois que t'es comme ça, de toute manière, je sais même pas s'il y a un sport à faire. Donc il fait de la boulimie, Rocco Siffredi. Non? Est-ce que tu t'envoles, toi? T'es là pour faire des questions. Si tu veux participer au débat, t'appelles au standard. Hein. Oh, j'adore, Noémie. Oh. Hop. Ah, je t'ai pas vu décrocher, mais pour voir ta gueule. C'est vrai, décroche. Non, non, mais. C'est les débats de Noémie ou c'est les tiens? Non, non, mais elle appelle au standard pour poser des questions. C'est toi, GG. Oui. Tu vas dans ton débat. Allez, deuxième question. Ah non, pour la deuxième question, j'ai un auditeur parce que t'en as deux là. Gros port, 25 ans de Paris. Attention, la balle. Direct. Ouais, à la place de qui? À la place de pèse personne. Et ouais, parce que t'as viré, ouais. Attends. Hey, à côté, à la place Manu. Oui. T'as Carlos qu'on a viré. Oui. Eh bien, t'as l'opposition. Ouais. Donc, à la place de place personne, on accueille. On a gros port, 25 ans. Descends Marseille, je vais te faire voir ce que c'est la vie. Donc, gros port. Gros port d'où 25 ans de Paris. 25 ans de Paris. Donc, 101.9. Hein. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Gérard, j'ai une petite question vite fait sur IRC que je comprends pas tellement. Tu vas pouvoir me l'expliquer peut-être. Il y a Starsky à Saint-Tropez qui te demande si ton pote Henri ne serait pas boulimique parce qu'il paraît qu'il est attiré par les gros morceaux de barbac. Je réponds pas là-dessus, terminé. Je sais pas, moi. Non, là, tu peux lui dire. Tu lui dis qu'il appelle. Tu lui dis même pas. Tu lui dis qu'il appelle sur Europe 1. Ah, bon. Par contre, il fait un gros bisou à ta Obélix. Non, mais elle s'appelle plus Obélix. Êtes-vous adepte de la boulimie en famille? Justement, la question. La question à Nomi, tout con. Ça, c'est... Pourquoi tout con? Bah attends, c'est toi, t'as besoin de regarder les haut-parleurs et puis la pendule? Les haut-parleurs? Bah je regarde le temps passé, ouais. Non mais tu regardes aussi s'il y a des... Tu Olive là parce que... Non mais je crois qu'elle va dégager. Je crois qu'elle va pas continuer. Donc, bipu... Jeanne, c'est chaud, c'est bon. Allez, emmène-moi. J'avais des canons. J'ai pas tout compris là. Ah, c'était Jeanne. Je sais pas. Merci. Il y a une chaleur là. Bifidus actif pour toi. Alors, êtes-vous adepte de la boulimie en famille? Oui, alors nous sommes boulimiques. La vie, c'est dans la famille. Non, mais attention, je précise. Quand tu manges des bolinos. Non. Oui. Non, Pilar, s'il te plaît. Bolino. Oh, s'il vous plaît, là, vous vous calmez là. Bolino. Bon. Bolino. Diététix, au revoir Marseille. Allez, hop, terminé pour celui-là. On accueille un auditeur pour répondre à cette question. Oui. Poussachou. On accueille Poussachou. Oui, bonsoir, je suis un Pokémon. C'est une star au Japon. Poussachou. Comme les sumo. Poussachou. Ok, le mec. T'appelles d'où? J'appelle d'une ville Pokémon. Tu te fous de ma gueule ou tu prends le train? Ok. Alors t'appelles d'où s'il te plaît? Bon, allez, pour te faire plaisir, j'appelle de Paris, 100.9. Voilà, c'est tout ce que premier, c'est le premier parisien, celui-là. Ça fait déjà le deuxième, je commence à en avoir ras-le-bol. Gérard, je te réponds à la question. Oui. C'est qui? C'est Gros Port. Ouais, ben Gros Port. Oui, tu veux Gérard? Bon. Alors, laisse-le répondre, Gérard. Bonjour, c'est Dimitri. Fiddlard, oui. Tu arrêtes avec ça parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Mais t'arrives même pas à faire la différence entre un son et un auditeur qui fait le son, tu vois. C'est... Pour un son, ce n'est pas donné les auditeurs, bonjour. C'est toi. Merde. Vos gueules. Salut, c'est Dimitriel. Tu vois, c'est moi qui le fais là. Tu crois que c'est un son? Bah, vas-y, gros port, réponds. Alors, je te réponds. Donc, la boulimie, ça se passe à deux moments de l'année, à Noël et au jour de l'an surtout. Gros port. Non, franchement, c'est. Gros port. Oui, t'écoute. Gros port, la boulimie, tu sais ce que c'est? Oui, c'est un sport. C'est quand on se rend pas compte qu'on mange à la mort, quoi. On mange, peut-être qu'on éclate. Et les tours là-dedans. Non mais attends, Manu. Putain, t'as la cote ce soir. Hey, Manu. Il kiffe mon cul, tu veux mon bout? Hey, Manu. Tu me l'as chopé où celui-là? Bah au standard, hein, j'ai pris des nouveaux. Hein. Non mais grave de chez grave celui-là. Comment tu dis? Vas-y. Comment tu dis? Vas-y, quand t'en as marre de mes débats, tu dis. Bah, je sais pas. Rentre chez toi, avec le clochard. Non, ou dégage l'alcool, ça dépend, c'est varié. Enfoiré, va. Ok, attends, je retiens ce que tu viens de dire encore. Viens me téléphoner, tu vois, comment que je vais t'envoyer chier, toi. D'accord. Viens me téléphoner pour me demander de l'argent, tu vas voir. Viens me téléphoner. La ligne directe. Bon, par rapport à ça, quand même, sur IRC, où on augmente énormément et où s'il y a des gens qui veulent des câlins, ils vont sur radiogérard.fr.fm. Hein? Attends. Toi pour l'instant tu la fermes, il n'y a pas de Radio Gérard. Oh, tu me les coupes, merci. Oui. Il n'y a pas de site internet radiogérard.fr et point je sais pas quoi pour FM, pour canin. Donc ça n'existe pas. D'accord. La question. Alors la question, c'était une question de dame qui se demandait, oula j'ai un peu perdu le fil, mais ça va me revenir très vite. Oui voilà, est-ce que le fait de voir un boulimique manger peut nous faire devenir boulimique? Apparemment oui, parce que j'ai entendu alors, dire... se demande pourquoi tu n'es pas boulimique. Bah pourquoi déjà pour commencer, c'est que moi je mange, j'ai beau manger ce que je veux, Je suis toujours au même poids. Non, mais je suis toujours au même poids. J'ai beau manger n'importe quoi. Je reste toujours à mes 50 kilos pour mes 1m60. Voilà. Et pour ta gueule de beau gosse, quand même. Voilà. Noémie. Mais puis, c'est la dernière fois. Là, dans la cuisse, là, ah ouais, tu non, mais ça, on en a rien à foutre. T'as perdu combien? Ça, je sais pas. Noémie. Tu sonnes plus à l'aéroport. Noémie. Gérard, ça tombe bien que tu me donnes la parole. La bolémie, non. C'est quand même. Mais Noémie, s'il te plaît. Entre les hommes Noémie, et les femmes. Non, tu crois pas. On s'en fout de ta question. Noémie, c'est la dernière fois que je te vois. Mais Gérard, t'as pas fait tube de co? Non, mais Noémie, c'est la dernière fois que je te vois. Avec le casque sur les oreilles, ouais. En train de décrocher, ouais. Et de dire allô sans prendre la personne en direct. Ouais. Okay. Ok, je veux savoir sur quoi. C'est la dernière fois que je t'avertis. Donc, troisième avertissement. Encore prendre le débat ou Gérard, ou tu j'ai jamais encore, droit à combien les avertissements? Encore un et après c'est la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un gros port, ouais alors. J'ai un truc à te dire aussi. Ouais. Tout à l'heure, t'as dit, ouais, je sais pas s'il y a un remède pour les gens qui sont boulimiques. Ouais. Alors moi, je vais te répondre là-dessus. Il y a un remède, c'est ouais. Une intervention chirurgicale ouais. Qui consiste en fait à se mettre une baisse dans le ventre. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Allô? Fildar, mais j'ai rien fait. Fildar, attends, on peut rire quand c'est drôle, non? Trois, ouais, c'est drôle, on peut rire. Trois. Oui, je suis trois, je sais. Trois, oui, ce week-end, je sais. J'y serai. Trois avertissements. Ouais. Ok, Gérard, super. Vas-y, enchaîne. Avant que je vienne te foutre un gros coup de tête à la sortie de la radio, quoi. Donc, gros port qui a dit qui c'est ah, ouais, c'est. Gros port, au revoir. Allez hop. Hop, oh, au revoir, gros port. Déconne ou quoi, je réponds à tout le monde. Allez hop, ah, c'est on discute pas ici. Ça suffit, les gros ports. Non, mais il disait que. Okay, on pouvait se mettre une bague dans le ventre pour. C'est ça au ouais. D'estomac, ouais. Mm. Non, pas du tout, c'est pas du tout la question. Apparemment. Eh ben pour l'alcool, il faut se mettre un bouchon dans le ventre, c'est ça? Non, mais apparemment, vous avez décidé quoi là de soi? Non, mais moi j'ai rien décidé, moi. Tu non, sais, mais ça je sais pas. Non, ça mais attends. Toi, si tu veux non, mon non, corps, non, non, non, non, non, mais pour l'instant. Il n'y a pas de problème, non, mais pour l'instant, je sais pas ce que vous avez décidé de faire ce soir. Bah, on voulait faire une surprise à Rigo. Joyeux anniversaire, Rigo. Merci à tous et à ton âge. Si vous voulez me faire un cadeau, allez sur radiogérard.fr.fr. Oh la pub de oh warnetdefun.fr.fr, il déchire pas mal ce site aussi. Eh ben, pousse à tous, au revoir. Pousse à tchou. Bon, c'est grave, j'ai deux autres auditeurs pour combler le vide. J'ai Springfellow Hawk. Oui, c'est pas ce qu'il fait là. Bonsoir à tous. Et j'appelle d'où? J'appelle de Boulois. C'est pas mal ça. Fréquence 102.7. Non, mais te fous pas de ma gueule en cherchant les fréquences, d'accord? Ok. 102.7. 104.2, je me suis trompé. C'est ça, 104.2. C'est pas grave, je vais vérifier. Et on accueille aussi Henri Cantonnet. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle d'où? Bonsoir, j'appelle d'Orléans, c'est 108.8. Salut Henri. Bonsoir tout le monde, Happy Birthday. 108.8, ça m'étonnerait. Ici, à 608.8 d'Orléans. Manu, tu me contrôles la fréquence. 104.2. Tu fais la pression aussi. 104.2. Et t'as passé mon Gigi. Bifidus, t'es toujours là. Ah ouais, je suis toujours là, ouais. Donc, alors, la question suivante. Existe-t-il un vaccin ou un remède contre la boulimie? Ben justement, on en parle. Toi, c'est Lyon 91.7. Ouais, c'est ça, mais on n'a même pas répondu à la question d'avant. Hein. Ben, si tu veux répondre, vas-y. C'est en famille, c'est ça? Ouais, ben justement, on a assez fait le tour de la question. Hein. Ah ouais, bah ouais, si tu me dis, ouais. Non, mais vas-y, si tu veux répondre là-dessus. Bah, non, parce que moi, je te disais, nous, on est boulimiques de mère en fille, et de père en fils. Et en fait, nous, on mange des fibres à longueur de journée. Ouais, mais la question... je m'excuse de te couper. Ouais, mais la question que je me pose, ouais. Est-ce que c'est parce que il y a une question justement là-dessus que sur des reportages que j'ai pu voir. Mm-hmm. On n'a pas pu savoir. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est dû par rapport aux parents ou tout ça? Est-ce que c'est depuis la naissance? Aussi, je me pose cette question. Depuis la naissance, je pesais 7,9 kg à ma naissance. Mm-hmm. Et depuis, voilà, quoi. Non, attendez, s'il vous plaît, derrière. Henri et Spinka. Bon, Rose Beef, quand même. Non, attendez, s'il vous plaît. Bah, écoute, sa mère a couché d'un Rose Beef. Oh! Qui c'est qui vient de dire ça? Henri, au revoir, allez. Henri, hop. Non, c'est pas Henri, c'est pas Henri. Je veux pas le savoir. Allez, Allez, bonne nuit. Non, parce que là, justement, on est en train de poser une question. Je suis en train de poser une question sérieusement à Bipulus. Je voudrais bien que... Qu'on aille des trucs sérieux, pas des cons qui disent n'importe quoi. Ouais, okay. Moi, je suis sérieuse comme fille. Non, mais là, c'est un truc à savoir, c'est de savoir est-ce que c'est dû par rapport aux parents ou pas. Mm-hmm. C'est là parce que moi, j'ai vu des reportages et apparemment, il y en a qui disent que oui. Oui. D'autres, c'est parce qu'ils mangent de trop. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû par rapport aux parents au départ? Ou est-ce que c'est une maladie vraiment que les gens ne peuvent rien faire dessus? Justement, là, existe-t-il un vaccin? Donc, oui. C'est à peu près ça qu'on va poser. Oui. Donc, je sais pas... Bah nous c'est de famille quoi. Alors je sais pas, il y a peut-être une autre solution, mais nous on mange des chibres de mère en fille et Ouais mais de toute manière déjà au départ tu me disais que tu pesais 7,5 kg à la naissance. 7,9 kg, ouais. 7,9 kg à la naissance. Ouais, beau bébé, hein. Ouais, d'accord. Non, mais c'est pas. Non, mais la question n'est pas là. C'est vrai que déjà 7,9 kg à la naissance, ça fait quand même beaucoup. Non, c'est la moyenne. Spind. Ouais. Tu peux répondre en... Non, mais j'écoutais et puis je trouve ça... Ouais, non, mais... C'est beaucoup quand même, hein. Non, c'est la moyenne, hein. Dis donc. Bon, c'est qui, là, qui s'amuse à mettre cette musique, là? C'est mon jingle. Bon, Spind. Oui. Tu m'éteins ça? Non, c'est pas moi, je sais pas d'où ça sort. Hein. Question, en plus, auditeur. J'avais un sondage, mais auditeur avant. Oui. Auditeur, donc... Oui. Ouais, je sais. On accueille Grosse Riette. Bonsoir. Et on accueille Gras Double. Et il répond pas. Grosse Riette, c'est toi, on t'appelle d'où? Alors j'appelle du Mans et la fréquence c'est 90-10. 99. Riette du Mans. Ouais. Et l'autre? Et l'autre? Gras Double. Merci, mon pote. Et Gras Double. Merci, mon pote. Bonsoir, Gérard. T'appelles d'où? De Nice. Ta fréquence? Ah non, 103.8. 103.8. T'as vu Pokémon? Attends, 103.8, il se fout de ma gueule, c'est lui là ou quoi? Mais non, 103.8, c'est la fréquence, ça va jusqu'à 107. Attention, FM. Quand on a des Pokémon, mais Gradoub, c'est bien Pokémon. Bon, Tu me les coupes là, s'il te plaît, ils vont se calmer un petit peu. Donc sur IRC, j'ai un sondage réalisé par Davy1. Donc alors, sondage effectué à l'Institut Sainte-Marie d'Auxerre, 15% des boulimiques ont du mal à se reproduire faute de trouver leurs organes génitales. 26% des boulimiques dorment avec des boules caisses, 38% des boulimiques utilisent des gros cotons-tiges, et 89% des boulimiques voudraient bien se bouffer des tartes à la crème en pleine rue. D'accord. Et on est combien sur l'internet? Et on est monté, on est 8082. 8082. Ah, ça commence à être chaud là. Big up 38.2. Depuis que tu reviens le jeudi. Noémie, tu m'as contrôlé les deux fréquences qui me semblaient bizarres un petit peu. Elles avaient leur papier et tout ou pas? T'étais en province, t'avais pas de papier vert. Tu m'as contrôlé les deux fréquences? Ouais, c'est bon. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bon. Bon, alors, existe-t-il un vaccin? Gérard? Quoi? Oh, est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? Ça te fait rire, un connard. Bien. Il y a un point de suture qui vient de lâcher là, parce que ça sent le rat mort. Ah ouais, moi aussi, j'avais plus l'habitude, c'est chaud. Ah, j'ai pris des vieux postillons, je sais pas quoi. Ah, c'est radioactif. Des bouts de panini là. Il cherche à se reproduire. Manu! Bon, Noémie! C'est la parade. Je pense que c'est Noémie, ouais, elle fait rien. Et là, ça commence à bien faire. Manu! Tu me les attrapes, tu leur demandes qu'ils se calment. Parce que sinon, ils vont s'herber. Vite fait, bien fait. Et Noémie, tu vas bosser. Je lui dis. Noémie, tu bosses. J'explique, t'inquiète. Oui. Et puis là, t'arrêtes tes conneries. Mais j'attends que tu fasses un débat correct. Pour l'instant, vous êtes en train de... Non mais ça va, Manu, tu peux éteindre ton micro. Pardon, de... Avance dans les questions. Ah ouais, mais pour l'instant, on en est à la troisième. Ça fait une heure. Troisième. Avance dans la vie. Hein. Non mais ça, quand même. Tu perds de l'audience. C'est que tu bosses pour toi, même. Oh, bon, toi, tu la fermes au lieu de balancer. Bon. Voilà. Mais là, c'est les auditeurs. Non, non. Ça, tu as blessé les auditeurs. Tu vois. Ok. Voilà. Ouais. Je veux plus t'entendre. Je veux pas t'entendre toucher là. Ok. Là. Ni là. Ça fait quoi là? Ça fait tu rien. Tu blesses les auditeurs. Mais ils sont là. Ouais, mais tu t'amuses pas à me balancer n'importe quoi. Je te balance rien, moi. Ok. Parce que sinon, tu as gerbé. Mm-hmm. Tu as gerbé dehors pour tout jusqu'à la fin du débat. Ouais, je balance rien. Hein. Bon, Manu, tu veux. Oui. Apparemment, tu les as pas calmés. Si, si, mais ils sont très calmes. Ah, on est très calmes. Alors, existe-t-il? Existe. Quoi? Je peux répondre à la question? C'est qui? C'est Gradouble. Vas-y, vas-y. Vas-y, Abbé. Ça y est, je peux répondre? Vas-y. Donc, le seul moyen pour l'anorexique. Pour les boulimiques. Vas-y, on t'écoute. C'est de faire du sport et faire des régimes, quoi. Voilà. Ah, okay. Ah, tu vas te faire déchirer demain à l'école. Hein. Ouais. Ah, t'as quel âge, toi? T'as quel âge, gros? Gradouble. Ouais, il me dira. T'as quel âge? 24. Ouais, attends, mon cul. Allez, allez. Manu. Oui. Tu cartonnes. Ouais, c'est même pas la peine de. Non, non, mais c'est même pas la peine. C'est un jeune. À tous ceux qui écoutent son bahut, il pleurait. Attends, il a. Hey, Manu. Bon, allez, c'est a... bon, non, vous non, attendez. Il avait quel âge? Ah, il avait 12 ans, je crois. Il est pas mort. Non, mais il est mort. Entre 12 et 14. Laisse tomber, il a non, mais change de bahut. Ah, tu m'étonnes. Change de bahut, mon pote. 103.8, c'était où cette fréquence? C'était. J'en sais rien, on enchaîne là, GG. Donc, existe-t-il un vaccin ou un remède contre la boulimie? Donc, je pense qu'on en a assez discuté là-dessus. Hein. Ouais. Gérard? Oui. Faudrait que t'éclaires Starsky à Saint-Tropez qui a pas compris. Il demande si les boulimiques, c'est les gens qui font des concours de pétanque. N'importe quoi, celui-là. Il appelle d'où? Ah, je sais pas, c'est mondial, Internet. Starsky, à mon avis, il est de l'Estes. Bon. De quelle manière se traduit la boulimie? On va demander à Grosse Riette. Bon, avec des mots, hein, moi je dirais. Spin. Que... Attendez, il nous reste Grosse Riette. Spin et. C'est moi, quand je ferme un œil, je vois plus rien. Tu te calmes, s'il te plaît, merci. Il est là, Santini? Non, il est en train de faire des bricoles, là. Ok. Mais laisse tomber, quand il est dans l'hélicoptère, ça penche en arrière. Bon. Il fait vieux, hein. Noémie, tu me prends Grosse Riette et Spink et tu essayes de me... Spring. J'ai qu'un œil quand même. Hein. Tu les calmes. Tu fais de violoncelle dans le générique. Je alors, Bifidus. Je suis tout en blanc. Nickel, j'ai qu'un œil. Ah. Oui. Donc, pour toi, c'est le remède, c'est ça? De quelle manière se traduit la boulimie? Ben, tu grossis. Irrémédiablement, tu grossis, plus tu bouffes du chibre, plus tu grossis. Ouais. Bah, mais tu penses que c'est dû à ça? Oui. Non, parce que t'as quand même un transit intestinal assez performant, et c'est en partie dû à ça, ouais. Ouais, mais de manière, on peut mélanger la boulimie et... Par exemple. Non, et l'anorexie. Mais je me demande s'il y a une boulimie de l'alcool. Hein. Bofidus. Oui. Bofidus. Bofidus. Si, il y en a beaucoup. Bofidus. J'aurais dû la faire. Tu réponds. Oui. Pour l'instant, tu réponds bien, donc. Tu continues à répondre bien et tu cherches pas midi à 14h sur l'alcool, sinon je te dis au revoir. Ben non, mais c'est une question que je me pose. Ok. Non, mais moi, c'est moi qui te parle. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok, Manu. Manu, à toi la parole, vas-y. Vas-y, Manu. Merci. Vas-y, on accueille Pousse. Oh. D'accord. T'appelles d'où, Pousse? Bonsoir, c'est Mousse. On est sur Fun Radio. Enfin, tu trouves un autre fonds de commerce. Oh non, voilà, bonsoir. Et Pousse. Bon! Il me semble avoir comme je sens, Tu sens pas bon, hein. Je sens qu'il va y avoir un bon. Et je sens qu'il va y avoir un gnagno. Et maintenant un gnagno. Ok. Faut que tu calmes avec le Wakala. Il va manger Noémie direct. Sinon, je vais te foutre un coup de 30 ans. Il va y avoir un quoi et... Bam un gnagnon. Je sais pas. Disque 1h du matin, musique. Allez, on fait la réunion. On fait une réunion, Max, tu viens. C'est terminé, moi, j'arrête. Allez, bonne nuit. C'est quand j'avais une bonne question. Tu l'avais dans ta gueule. Hein? Oh putain, arrête. Oh, putain. Ça va trop loin. Là, maintenant, vous me cassez les couilles. Tu standard, tu dégages. Allez, je dors. C'est pas. Dors. Mais pourquoi? Elle n'est pas capable de prendre des auditeurs. Dors. Hop. Au revoir. Tu l'as dehors. Ça va être dur. Tu l'as dehors. Aïe aïe aïe. Allez, Noémie dehors. Depuis tout à l'heure, tu gères pas ton débat. Noémie dehors. Ah ouais, c'est que tu poses pas les questions, tu laisses les gens parler. Mais non, mais... Attends. Manu, dehors. Non, non. Je vais te rendre face, c'est les mêmes auditeurs. Je commence à en avoir ras-le-bol. Pas les mêmes, regarde. Ouais, attends. Putain, il y a des petits qui ont appelé là avec leur collège, écoutez là. Quoi? Attends, l'autre, il est sous notre gueule. Alors, fais de l'air dehors, je veux plus te voir. Noémie dehors. Noémie, c'est terminé. Faut appeler Olivier. Putain, je vais appeler Olivier. Non, il sort. Non, il sort. Je travaille plus avec ça. Non, moi je travaille plus comme ça. C'est terminé. Les gens aussi. Mais attends, mais merde. T'as pas de respect. Mais attends, mais ça les a passé des jingles. Attends, t'as qu'à 2000 et puis tout ça. Non, mais après, t'entends n'importe quoi. Il faut arrêter. Ouais, puis ils se parlent entre eux dans les micros. Ouais, si moi j'en ai marre. Pour un temps, il y a Crigo. Tu gères pas bien les débats. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, t'as baissé dans ton. Mais ouais, mais même, de toute manière, tu peux pas travailler avec eux. De toute manière, quand c'est toi, tu travailles bien. Quand c'est moi, ils me foutent de la merde. Non, mais non. Ça commençait bien. T'es trop énervé. Non, mais là, maintenant. Deuxième partie, ça va être chaud là. Voilà, on va mettre un disque et ça va être chaud. Hop, t'envoies la musique là. C'est quoi le type? Mais j'en sais rien, moi je m'aime pas. J'ai demandé le. Tiens, voilà une feuille. Alors c'est la petite cousine du cousin avec prends du slim, foutre goût chocolat. C'est quoi ça? Parle devant le micro, c'est important. Parle devant le micro. C'est quoi? Il est hors de question que je balance ça sur. Mais c'est quoi la petite cousine? Mais attends, avec mon nom de famille, non mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce disque? Je sais pas, moi c'est une nouveauté. Non, t'envoies Max et tu me diras ce que c'était. T'annonceras, et c'est tout. J'en sais rien. On se retrouve tout de suite après. C'est quoi, comment ça s'appelle? C'est l'essentiel de faire. Redis-le, je veux voir. La petite fois. Avec prends du slim, foutre, goût chocolat. Je sais même pas ce que c'est. Alors on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000. Vous pouvez toujours nous appeler. Non, mais faut que on se retrouve feu, tout de suite après. C'était trop le bordel. Pour la suite du débat sur la boulimie, en espérant que l'heure un quart qui suit sera meilleure que la première. A tout de suite. Pourquoi Canard? Allez, hop dehors. Débat de Gérard. Et voilà, donc on venait s'écouter la petite cousine du cousin avec prend du slim foutre, goût chocolat. Alors j'espère que la dernière ligne droite, là, parce que la prochaine pause sera pas avant 35 minutes, je pense. Donc j'espère que ça va bien se passer, que vous allez répondre quand même correctement aux questions et en espérant que vous n'avez pas à vous foutre de ma gueule parce que là, il est hors de question que je continue comme ça, d'accord? Ouais. Alors. Déjà, sur l'IRC, il y a Power Excess, il te demande d'arrêter un peu de gueuler, il se demande ce que tu as mangé quand même parce qu'il trouve que ça devient lourd. Ce que j'ai mangé du lion. On est combien sur l'internet? Eh ben ça stagne un peu, on est aux alentours de combien? 8023. Bon, oh, c'est nul. Ouais. 8023, non c'est pas nul. Non c'est bien. C'est bien mais je voudrais quand même qu'on aille un peu plus haut. Un petit sondage avant qu'on accueille. Allez plus haut. Que doit-on faire pour devenir bon ami? Alors. C'est bizarre parce que j'ai presque pas de lumière pour voir ce sondage. Fuldar, s'il te plaît. Ouais. Merci. Je te l'allume. Alors, 45, merci. Pas trop quand même. Ouais, s'il te plaît. Pas trop. Pas trop. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est bien, là. Tu la sens bien, là. T'aimes ça, elle est bonne. C'est bon. Eh non, mais au-dessus là. Voilà, merci. Alors 45. Alors que doit-on faire pour devenir boulimique? Alors 45% répondent en embrassant des grosses sans domicile. Alors là, j'aime bien parce que apparemment la première réponse qu'on a revient. Avez-vous déjà eu la boulimie? Donc 48% de répondent oui, c'est bien probable. Et on n'a pas la suite. Et là, c'est pareil, sans domicile, on ne sait pas quoi. La fixe. Merci, ça m'étonnerait. Hein. 31% des gens répondent qu'il faut faire attention en traversant. Mais c'est quoi, là, c'est ça? Non, mais quand tu as la boulimie, il faut faire gaffe quand tu traverses, que tu es moins rapide. Mais non, mais attends, n'importe quoi. 20% des gens pensent qu'il faut suivre des cours de strip... Quoi? Strip poker? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Je sais pas, moi, c'est pas moi qui fais les sondages. Hein. 12% pensent que la boulimie, c'est une passion que l'on a dès la naissance. Voilà, bah c'est bien. Dès un autre, parce que ça a été bidon. Voilà. Dès la naissance, non, c'est pas Rigaud, c'est plutôt toi. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait les sondages. Attends, Rigaud n'est pas là la journée, d'accord? Ah, attends, il bosse sur Internet d'Europe 1 pour les sondages de ce soir. Non, mais c'est vous qui êtes là toute une journée, donc c'est à vous de faire des sondages. Donc, c'est l'assistant de Baffin. Que peut apporter la boulimie? Putain, mais... Que peut apporter la boulimie? Alors, 75% des gens, la possibilité d'être... sans amis sincères. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand t'es boulimique, t'as pas d'amis. Ah si, je suis désolé. Ou des faux amis. Ah bah ça... Mais c'est ça le problème, parce qu'ils abusent de ton corps. 29% répondent que c'est plus facile d'être grosse pour porter les courses. Alors ça, c'est faux. Il n'y a pas besoin des grosses ou minces pour porter les courses. Et 23% disent l'envie de se faire mettre dans la rue, c'est faux. Et 5% répondent... Bon, mais ça, hop, les 5%, je les lirai même pas. Et puis, non, ben, je pense que les... Mmh. Non, ben, les deux derniers, je les lirai même pas non plus. Ah. Gérard, sur IRC, il y a Dame qui te demande si tu connais des boulimiques. Oui, j'en ai connu des gens qui étaient boulimiques, et ça ne m'empêche pas de discuter avec eux. Mmh. C'est des gens comme tout le monde. Donc on peut pas dire que faut pas dire que les gens qui sont gros tout de suite on s'en fout. Non, ils sont comme tout le monde, c'est pas eux qui ont décidé de devenir comme ça, malheureusement. Donc faut qu'on respecte quand même la personne comme elle est. Elle peut être grosse, elle peut être maigre, elle peut être comme on veut, même petit. Ça peut être petit. Bien sûr, on va faire tout de suite allusion. On va dire, par exemple, des nains, des petites personnes qui ont eu des problèmes à la naissance, qui sont petits. Mm-hmm. Donc ça, c'est des petits boulimiques. Mais non, ça c'est un truc qu'on ne peut pas juger parce que c'est pas eux qu'on demandait à être comme ça. Et tous les nains sont gros. Mais t'en as qui sont gros, t'en as qui sont comme nous de notre taille. En plus petit quand même. Mais bien sûr, on va faire tout de suite. Je sais qu'on va faire tout de suite à l'usin au nain de jardin. Donc non, ils font plus ça. Ça c'est même pas la peine. Plus à quelqu'un d'autre. Non mais c'est vrai que là-dessus, on peut pas dire que on les déteste parce que en fin de compte, ils ont pas. C'est la vie. On peut pas changer. C'est vrai, faut les aimer. Donc, faut se dire une chose dans la tête, les gens sont comme ils sont. On les prend comme ils sont. Mm-hmm. C'est tout. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà pris une boulimique? Bonne question. Bah, disons, une boulimique. Après avoir pris une cuite. Hein. Ah. Non, mais ça, on n'en a rien à foutre. Bien sûr, on va faire tout de suite allusion à Christine. Avec Christine, ça a été différent, c'est tout. Maintenant, c'est quoi qui est différent? Parce que on peut se demander. Non, mais de toute manière, elle. T'es tombé que sur des boulimiques, on peut le dire. Non, mais. Non. Non, non, attends, Sandy, c'est pas une boulimique, nuance. Ok, on fait pas dire. Non, je vais dire une chose, elle fait 60 kilos à l'heure actuelle et c'est tout. Bah, elle se porte bien. 57 aussi. Non, mais pour 1m60, non, elle fait pas 1m57. Qu'est-ce qui t'a dit qu'elle faisait 1m57? Attends, elle a des pommes de drag queen déjà. Non. Non, non, alors, déjà... avec, en plus. Non, non, mais ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est mon problème, d'accord. C'est pas le tien, ok. Donc, elle, c'est moi qui ai demandé de faire un rire. Elle suit, ok. Donc, terminé, point final à l'année, on va pas revenir là-dessus. On s'éternise pas là-dessus. Une autre question universelle. Ah, bah, il y en a tellement. Tiens, au hasard, je vais prendre Droupivin qui te de... il dit Gérard, tellement qu'il est boulimique du cul qu'il nous fait des conneries. Ah, il a pas tort. Lui, il va se faire foutre parce que c'est... Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a une pétition pour sauver les boulimiques sur radiogérard.fr.fm. Tu me pourras voir le site internet tout à l'heure. T'inquiète. Gérard, tu as besoin d'auditeurs ou pas ou... Non, bah, on va continuer avec Sprint... Spring Fellow. Spring Fellow de Caen. Bonsoir. De Caen. De Caen, ouais. Donc 107.7. Exactement. Bifidus actif toujours là avec toujours, nous. Oui, toujours donc, là. Donc Lyon 91.7. Exact, anniversaire Rigaud. Bon, ça y est. Merci, quand même. Grosse Riette du Mans 99. Tout à fait. Bonsoir. T'es du Mans? Ah, puis Beurette, oui, oui, oui. Pousse-toi de là. Merci. Pousse-toi de là, de Dijon. Ouais, salut. Bon anniversaire, mon pote Rigaud. Merci, mon pote. De fun. De fun. De fun. Mon pote Rigaud de fun. Mon pote Rigaud de fun. Bon, pousse-toi de là. Ouais. Pour l'instant, tu as... Vas-y, enchaîne. Je suis chaud. Vas-y, enchaîne. Great. Pour l'instant, tu la fermes. Ok. Pose la question, vas-y. Allez. Donc, de Dijon, 103.2. Ok. Très bien. Alors... Tu notes en plus. Tu t'écrases, ok. Vas-y. Je crois que j'ai reconnu ta voix, d'accord. Alors, de quelle manière se traduit la boulimie? C'est à qui que tu poses la question, déjà? Ça sera pousse-toi de là. De quelle manière se traduit la boulimie? C'est bizarre comme question, quand même. Ah, bah c'est bizarre. Attention, c'est la question piège de la semaine à Gérard, là. Oui, de quelle manière se traduit la boulimie? Allez. Bah, alors, où vous répondez? Je comprends pas les mecs là. Putain, explique sa question. Explique. De quelle manière se produit la boulimie? C'est-à-dire. Tout à l'heure c'était se traduit, maintenant c'est se produit. De quelle manière se traduit la boulimie? Tu réponds correctement à la question! Non, mais explique là, Gégé. Tu réponds correctement quoi? Hey, pousse-toi de là. Mais oui, tu réponds correctement, mais ou je te gerbe. Explique la question, Gérard. De quelle manière? On n'a pas dit répète, on a dit explique, du coup. Alors, du coup, ta mère, pousse-toi de là, voilà, comme ça, le du con, et il aura compris ce que ça voudra dire, explique celui-là. Ouais, parce qu'on n'a pas compris la question, Jean. Alors, de quelle manière se traduit la boulimie, c'est-à-dire ce que les gens mangent en régulier? Ah, d'accord. Régulièrement dans la journée. Voilà. Alors, grosse rillette. Ouais. Oh, ça vous dérange là, tous ça les deux? Travaille. Continue ton débat, Gérard, ils sont en train de travailler là. Ils se touchent le pissou, je suis sûr. Mais fallait pas le dire ça. Pour un sang. Non, mais ça va là, oh! Tranquille. Okay. Oh, continue ton débat, ils sont en train de travailler. Attends, Rigo. J'ai tes auditeurs. Attends, Rigo. Fais ton temps. Non, mais ça va, vous le dites, hein, si je vous gêne. Les joueurs touchent pipi. Non, mais on prépare l'émission de dimanche avec Ouchel. Vous êtes en train de faire touche pipi là? Non, on prépare l'émission de dimanche avec Ouchel. Ouais, ouais. Bon alors Manu et... Quoi? Bah vas-y quoi? Tu prends pour qui là quoi? Salut quoi? Bon vas-y, vas-y Gérard. Rigo? Ouais. Je te dis, tu me dis pousse-toi de là. Je peux pas, je suis pas standard. Bah tu me reprends quelqu'un d'autre. Bah je cherche. Allez taffe un peu là. Oh putain. Oh là là. Bon le débat Gérard là, continue. Non mais je crois que... grosse rillette, voilà. Ouais, bah écoute, ça se traduit. Moi, je pense que c'est quand même avant tout des manifestations gazeuses. Mm-hmm. Parce qu'il faut voir que les gens qui ont la boulimie, ils sont quand même gonflés. Mm-hmm. Que c'est aussi des gonflements gazeux. Mm-hmm. Parce que quand t'es boulimique. Bifidus Bifidus, tu arrêtes s'il te plaît, merci. D'accord. Ouais, donc je disais que dans ces cas-là, tu gonfles. Et donc voilà, donc forcément il y a un moment où c'est un peu comme une cocotte minute quoi, faut que ça sorte. Bifidus, tu arrêtes s'il te plaît. C'est ça moi. Allez, arrête un peu là. Alors Bifidus, ma couche. Bifidus, tu réponds. Mais je t'ai répondu tout à l'heure, je te disais que ça se traduisait par tu prends du poids et tu manges beaucoup de fibres. Bah tu vois, maintenant ça fait bien hein, quand tu parles et que les auditeurs ils foutent de ta gueule. Moi ça me dérange pas du tout. Ah ouais, non mais tu vois, Tu vois, ça bien fait... ce que tu fais, Bufidus. C'est bien. Ouais, non, c'est bien. Pas mal, hein. Du bon boulot, ça. Tu fais le respect. Bravo. Merci. Toi, enfin. Bon, Gérard, sur l'IRC, ouais. Où ça augmente, on est 9708. Bravo. Bravo. 97.8. Et donc, il y avait une très bonne question de Destroy. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je disais? Une très bonne question de Destroy qui te demandait si les animaux peuvent être boulimiques. Bien sûr. Ben, justement. Bien sûr. Justement. On parle pas des vaches. Tu pourras en parler de ton chat, Rigo. Parce que son chat est un chat boulimique, Rigo, faut le savoir. Justement, on va arriver à la question, donc il reste bien à l'écoute, on va en parler. Voilà. Sprinter. Alors toi, j'ai un hélicoptère. Bon, toi alors? Ouais, bah pour moi, ça se traduit par un besoin naturel de manger, de toujours manger pour combler le trou psychique quand j'entre dans ce genre de situation. C'est beau, ah, putain, je cartonne. Non, mais tu vas dire. Il y a des filles qui écoutent. Ouais. Je suis pas sûr de m'en rendre compte. J'en connais un, il va tienne ce week-end. On arrête avec cette putain de musique. Merci. Donc, en fin de compte, Spring Fellow Hawk. Ouais. Ouais, Manu, oui. Je voulais dire qu'on accueillait le docteur Rousse. Voilà, oh, le téléphone. Tombé. Salut, docteur Rousse. Ouais, bonsoir, docteur Rousse. Bonsoir, il appelle d'où? Je sais pas, il va te le dire. Bonsoir monsieur, j'appelle de l'hôpital de Créteil. Ok, voilà, du perdif. Il a fait une cure de jouvence, il a rajouté. Oh là là, je crois qu'à mon avis, on va cartonner. Ah ouais, 101.9. Je vais pas sagoter, mais c'est le gamin de 12 ans. Ouais, bah, à mon avis, ouais. C'est un nouveau personnage. Ouais, non, mais à mon avis, je crois que ça. Il fait des plein de trucs. Bah non, mais on va le laisser répondre. Sprint, pilote. Sprint. Oui. Tu laisses parler, docteur. Je l'écoute. Bifidus. Oui. Bifidus actif. On le laisse parler. Oui, grosse rillette. Grosse rillette. Je lui pose. À la nouvelle génération, vas-y. On va y poser la question. Sébastien Cool. De quelle manière se traduit à boulimix, docteur Rousse? Ta famille t'écoute. Oui, monsieur. Oui, Maboul, ouais. Cela se caractérise par des troubles de l'alimentation, monsieur. Ouais. Bifidus. Attends, un poil qui pousse, là, les gars. Ok. Allô? Laissez-le, ouais. Oui, monsieur, avec une prise importante de poids. Oui. Voilà. Alors, les remèdes de notre hôpital, c'est faire du sport. Ouais. Et faire des régimes pour ces gens-là. C'est rester en terme. Attends, c'est l'humour de bourgeois, là. Non, mais c'est tout ce que t'as? C'est tout ce que vous avez en stock à nous proposer? Ah, mais je vous raconte comment ça se passe? Bah oui, on voudrait savoir. Vas-y, affiche-toi, vas-y. Alors, les gens arrivent. Ouais. En général, ce sont des femmes la plupart du temps. Il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes dans l'hôpital. On est 12 sur Internet, là, sur RT. Allô? Sans clavier quand même. Ouais. Qui c'est qui me coupe là, s'il vous plaît? Non mais vas-y. Non mais allez-y, il n'y a personne. Extrême pour marre, vas-y. Attendez docteur, il y a peut-être une question importante hier. Oui, il y en a énormément vu qu'on n'arrête pas de monter là, on va bientôt atteindre les 10 000. Pas possible. Oh. Si, si. Là, maintenant là? Ouais, bientôt là. Avec le speech du Lascar. Ouais, grave, c'est le petit jeune. Ouais, j'ai une question à poser au docteur. Non mais attends, 5 minutes. Il a motivé la personne. Non, docteur, là, s'il vous plaît. Il y a déjà des questions plus importantes que vous. C'est vrai, il y a une très bonne question de dame. Il demande si tout le monde peut devenir boulimique un jour. Oui. Je réponds à cette question. Bon, allez-y, docteur. Moi, j'ai une question pour le docteur. Attends, Bidifus. On va laisser le docteur répondre. Début. Oui, monsieur. On dit pas monsieur, on dit Gérard, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, alors, oui, Gérard. On dit pas vous, on dit tu. Je vais vous tutoyer. Suite à un choc émotionnel important, certaines personnes... Tu vas vous taper à la récré. Ouais. Et puis la prochaine fois que ça répond comment elle vient, il n'y a pas moyen. Mais non, c'est pas quelqu'un de... C'est le petit cousin fil d'arbre. Mais non, mais non. Allô, sur ma boule, t'as le nez qui s'allume quand on touche la bite. Allez. Voilà, un petit coup, là. Allez, quand même. C'est bien pour faire plaisir à ces limites. Eh, ça n'a toujours pas répondu à la question IRC. Oh, le docteur, De toute façon, docteur, il va avoir une urgence. Il y a une urgence, docteur, faut que tu rentres. Intervention. Vas-y, c'est Drummer, c'est ton show, vas-y. Bon, allez, docteur, mes couilles, là. Elle fait péter, là, docteur. Docteur, Rico, le show. Oh, allez. Non. Si, on va le couper. Je voulais qu'il réponde à la question. Non, mais c'est à toi de répondre à la question, c'est pas à lui, tu vois. Non, mais c'est pas à lui, il fait des débats, il s'appelle le doc aussi, tu vois. Non, mais là, je vais te dire une chose, c'est des grappes de chez grappes. C'était quoi ta question internet, Rigo? Ouais. On va changer de question. Ouais. Il y a Boris sur IRC qui te demande donc si. Est-ce qu'on est raciste quand on n'aime pas les boulimiques? Il y a une certaine chose. Je pense. Non, je pense pas. Non, il y a là-dessus, on peut pas parler de racisme, parce que de toute manière, c'est dans n'importe. Que ça soit nous, arabes ou noirs, de toute manière, on peut pas parler de ça. On peut pas dire que c'est du racisme. Ça, je peux pas dire oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on appelle les gens qui n'aiment pas les boulimiques? Aucune idée. Ah, merde. Et sur IRC, on a dépassé les 10 000 quand même. Ah, ça y est. Ouais. On est 10 063. 1h25. T'as piraté le truc. 106.3. 10 000. FPP, big up. 10 063. Pourquoi 60? Alors, question suivante. Attends, j'avais une question Minitel. Oui. On me demandait si. Mais là, ton Minitel, il fonctionne pas. Si en fait les boulimiques pouvaient avorter, c'est pratiquer l'IVG. Ça, je répondrai pas à ta question. Par contre, t'as pas essayé de voir dans le code depuis quelle date que ça existait, cette histoire de l'IVG? Ça y est, l'autre, l'IVG, c'est 75, hein. Ouais, 76. Simone Veil. Non, 76. Tac. Ça, c'est comme Alain Prost, tu sais, les deux voitures, elles sont arrivées. Mais... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. T'as bonne mine. Allez, rentre chez toi. J'en parlerai à mon cheval. Les Troyens. Ouais, on est dans le débat là, vas-y. C'est bon, les Troyens, vous êtes en D2. Putain, mais c'est pas vrai. À quel âge survient la boulimie pour les enfants? Grosse triade. Docteur Rousse. Il est parti. Oh merde. Ça concernait les enfants, c'est dommage. Oh merde, on aura. Par contre, j'ai quelqu'un à la place du docteur là. Ouais. J'ai Matouze. Matouze? Ouais, Matouze. Bonsoir Matouze, t'appelles d'où? J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Ouais, vas-y, espèce de tremblon. J'appelle de Paris. Ça va ma fille? Ça va bien. Toi, tu tousses des gays, toi. Ça fait grave. C'est ta touche, Gérard. Matouze, tu réponds à la question. À quel âge survient la boulimie pour les enfants, s'il te plaît, merci. Déjà, si c'est pour les enfants, c'est-à-dire que déjà, c'est dans un âge assez avancé, on peut le dire. Enfin, plutôt jeune, au contraire. Je pense que ça peut intervenir un peu à n'importe quel âge. Et ça dépend des enfants. Et les clébards qui bougent, là, direct. Mais je pense que ça peut très bien intervenir directement vers 6 ans, 7 ans. Mec, si t'es les poneys, là, vas-y. Hein? Il vous écoute pas, là. Gérard. Ouais, ça marche pas, il écoute pas, alors imagine pareil. Si je vous arrêtez de respirer. Il écoute pas, cousin? Alors, regarde. Matouze. Allô, c'est que ça va être chaud, là. Ouais. Elle Trablo. Oui. Hey, salut, c'est Patrick, la voix du mélo. Yeah. Elle Trablo. Oui. Oh, Trablo. Oui, non, tu m'appelles pas comme ça, je suis Matouze. Trablo. Matouze. Tu m'appelles pas par mon nom de famille, sinon je te nique. D'accord. Alors Matouze, au revoir. J'ai rien dit du tout. J'ai rien dit du tout, mais c'est dégueulasse, toujours ça. Mais c'est dingue, ça, quand même. Va te faire niquer ailleurs. Allez, le débat, Gérard. Ça pourrait m'intéresser. Allez, hop. Matouze, au revoir. Comme ça, il arrêtera de parler de mon nom de famille. Grosse rillette. Ouais, c'était quoi la question déjà? Parce qu'avec tout ce bordel. Quel âge survient la boulimie pour les enfants? La boulimie, moi je pense qu'il y a quand même un âge limite qui est fixé par le code pénal, parce qu'avant c'est du n'importe quoi. Non, attends, grosse rillette. Ouais. On parle pas du code pénal, d'accord? Non, mais on peut éventuellement. Non, attends, bon, parce que ça n'a rien à voir. Parce qu'en dessous de 15, en dessous de 15, c'est abusé. Non, parce que je pense déjà, comme disait Bifidus, oui. Ouais. Bifidus actif, de manière à dire qu'à la naissance, ça faisait déjà 7,9 kg. Ouais. Donc déjà, à la naissance, t'es quand même déjà bien. C'est sûr que moi, j'avais un avantage sur les autres. Hein. Ouais, non, mais c'est pas d'avoir... Jean-Louis de Carla. Ouais. Merci. Merci, ouais. Donc c'est pas ça le truc. C'est que c'est vrai, déjà à la naissance. J'adore la sodomie et j'adore toute l'appellation, tout ça. Celle-là. Ah, c'est ça. Mais présente-toi la boulimique mystère, là, quand même. Jean-Luc Calin, voilà. Ah, c'est de ça que tu me parlais tout à l'heure. Le chemin mystère, ouais. Je voudrais bien savoir qui c'est qui s'amuse avec ça, parce que ça commence à alors, me gonfler. Moi, samedi, j'adore la sodomie et j'adore toute l'appellation. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Ouais. Non, bah, allez, alors, tu... Olivier de la Pro, il va se prendre une gaufre. Elle est un peu cochonne, hein, c'est clair. Elle vous emmerde, Sandy, d'accord. Et moi aussi. Et en même temps, des grosses, alors attention, ça doit être bon, ça. Ouais, Manu, on va accueillir Monsieur Mazur. Bonsoir. Ah, ah, oui, bonsoir. Il y avait longtemps. Bonsoir, gamin. Bonsoir, ami auditeur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gérard. Bonsoir, Monsieur Emmanuel. Et bonsoir, Monsieur Spirouli. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants, tout ça. Bon, très bien, toujours. Monsieur Gérard, puis-je vous faire un compliment directement? Ouais, on vous écoute. Alors, suite à votre merveilleux débat de l'autre soir, n'est-ce pas, consacré à la mode, les fashions victimes, etc., figurez-vous que pas plus tard que ce soir, en fait, que hier, j'ai dîné avec des stylistes qui ont écouté votre débat et franchement, ils ont été emballés. Bon, de toute manière, la question n'est pas là, c'est à quel âge. Absolument. À quel âge survient la boulimie pour les enfants? Ben, on va attendre votre réponse. Jean-Luc Calin. Je sais pas qui fait ça. Cool, hein. Écoutez, cette grosse personne mystère me semble répéter tout le temps la même chose. C'est très dangereux, elle en veut. Cette grosse personne mystère, monsieur Mazur. Oui, vous dites les cinq lettres et c'est ma femme. Pardon. Excusez-moi, monsieur Gérard. D'accord. Alors, moi, samedi, j'adore la sodomie et j'adore toute l'appellation, tout ça. La femme est sanctionnée quand même. Hein. Mais c'est votre femme également qui déclare la sodomie. Grosse rillette. Ah bah non. Au revoir. Au revoir. Bah non. Comme ça, tu diras pas que ma grosse. Mais c'est elle qui le dit, ta femme. Elle dit qu'elle aime se faire enculer. J'ai pas rien. Eh ben, toi, tu vas aller te faire enculer. Voilà, comme ça, ça aurait le plus vite. C'est bon, il est parti. Grosse rillette, au revoir. Bidufus. Non. Bidibule. Non. Non, non, on était avec Monsieur Mazur pour la question. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Alors, bon, ça y est, on a compris, vous êtes Monsieur Mazur, vous répondez à la question maintenant. Oui. Alors, à quel âge peut-on devenir boulimique étant enfant, c'est cela? Voilà, ouais. Oui. Bah écoutez, moi je dirais le plus tôt possible. Hein. Dès que la mère donne le sein à l'enfant, l'enfant peut, à partir de ce moment-là, devenir boulimique. Tout dépend. Alors attendez, il y a une question que je veux vous poser. Oui. Donc, vous pensez que c'est dû à l'allaitement? Absolument, monsieur Gérard. Et j'irai même un peu plus loin. C'est surtout dû à l'alimentation de la mère pendant l'allaitement, n'est-ce pas? Si la mère se nourrit à base de pizza et quatre fromages, il est clair que cela favorise. Bidufus! Bifidus, attendez. Bifidus, t'es d'accord avec ce qu'il dit, monsieur Mazur, ou pas? Oui, plutôt, oui. Non, c'est vrai, hein, ma mère a mangé énormément, elle mangeait beaucoup d'œufs. Ouais, non, mais il y a une question que je me pose, je pense que tu vas pouvoir répondre, Sprint aussi, puis monsieur Mazur, parce que à moins qu'on ait quelqu'un d'autre, Mazur. Ouais. Manu, c'est pas, ça commence pareil, c'est un honneur. On accueille Tristan Spiss. Hein? Tristan Spiss. Oui, bonsoir. Salut Tristan. Bonsoir. Tristan Spiss. Oui, bonsoir, Spiss. Bonsoir Gérard, bonsoir monsieur Mazur. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Putain, mais vous allez arrêter avec Paris, là. Tous les gens sont à Paname. Monsieur Gérard, je ne suis pas exactement à Paris. Hein, je suis dans banlieue parisienne. Non, mais c'est Paris, c'est 101.9. Oui. Bon, alors, la question, c'était... Vous avez un bon organe, monsieur Spiss. Oui. À quel âge survient la boulimie pour les enfants? Donc, on parlait monsieur Mazur parlait de l'allaitement. Oui. Après, Bifidus disait comme ça que c'est dû à ce que la mère mangeait. Oui, tout à fait. Rassurez-moi. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur Mazur, c'est tout à fait très sensé, mais on peut même voir ça avant l'allaitement, c'est-à-dire que quand la mère est enceinte, si elle mange une alimentation qui n'est pas équilibrée, ça peut entraîner une boulimie avant même qu'il naisse. Voilà. C'est surtout ça qui va entraîner, parce que mon métier m'autorise à le dire, et ça et c'est ça qui entraîne le fait que l'enfant soit boulimique. Il paraît même que quand tu manges en faisant l'amour, tu risques encore plus d'aggraver. Non, ça n'a rien à voir, ça. Je crois que Gérard, monsieur Gérard a tout à fait raison, ça n'a rien à voir du tout. Non, moi, on m'a toujours dit qu'il faut éviter les chips quand tu baises. Hein, il faut éviter les cunnilingus avec le Nutella aussi. Dans ces cas-là, faut carrément arrêter le délire là, parce que je pense qu'on s'en va un peu trop loin sur le sujet. Dans ces cas-là, si on s'amuse à parler de Nutella, tout ça, donc faut arrêter le ketchup, faut arrêter la mayonnaise, faut tout arrêter. Ce que tu veux quand tu sodomises ta meuf. Ouais, ben ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Mais non, mais il y a le problème est sur l'allaitement avec ce qu'on disait avec Monsieur Mazur. Donc moi je pense que. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Non, mais ça y est, Monsieur Mazur, c'est pas la peine de répéter, c'est Monsieur Mazur, on le sait. C'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine de répéter que c'est Monsieur Mazur, on le connaît. Donc alors le problème c'est que c'est suite à l'allaitement, d'après ce que vous venez de dire. Donc avec Bifidus, Spring Fellow qui est Tristan là. Tristan Spiff, oui. Et Tristan Spiff, à mon ami, on pense que là-dessus, il y a quand même quelque chose. Parce que c'est pas suite à l'allaitement. Bon, c'est suite à ce que la mère mange. Mais est-ce que c'est dû à ce que la mère mange que lorsque. Parce que, comme Bifidus disait, elle faisait 7,9 kg à la naissance, on ne va pas en parler sans 7 ans. Donc, elle faisait 7,9 kg. Oui. Est-ce que c'est dû à ce qu'a mangé? Ah, je comprends plus rien, là, genre. Est-ce que c'est dû à ce qu'a mangé? Est-ce que les parents ont mangé ou pas? Non, mais tout à fait. Cela n'est pas. Faire quand même 7,9 kg à la naissance, ça me paraît quand même bizarre. Pour moi, ça me paraît quand même bizarre, cette histoire. Oui, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas de jumeaux, après tout? Vous étiez toute seule? Oui, j'étais seule. Écoutez, mademoiselle Bifidus, peut-être votre mère a-t-elle oublié d'accoucher votre sœur ou frère jumeau? Peut-être est-il resté à l'intérieur de son ventre? C'est fort possible. D'ailleurs, elle n'a toujours pas ses règles. Ah, écoutez, il faudrait consulter, je pense. Non mais ça n'a rien à voir avec le boulimiste. Hein. Ah, le boulimiste, en effet. Ouais. Les règles. Les règles de la pétanque. Le ragnagna, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Attends, je laisse parler gynéco. Merci. Monsieur Riercy, on est toujours beaucoup. On est 1015. Hein 105. Cartonne. 1015. Ouais, 1015, 105, Nova, Big Up. Tout à l'heure, on était 10 063. Bah, ça baisse un peu, mais c'est pas grave. Il y a une très bonne question de Destroy. Il voulait savoir si deux parents boulimiques peuvent avoir un enfant anorexique. J'aime pas Europe 1. Il l'adore. Est-ce que deux parents peuvent avoir un... deux parents boulimiques peuvent avoir un enfant anorexique? Il l'adore. À mon avis, je pense pas. Il y a des options. Écoutez, c'est très simple. Ouais, monsieur Mazur. Non, c'est monsieur Spiff. C'est monsieur Spiff. Ouais. Cela est tout à fait possible. Parce de que, pédiatre. Ça n'a. Écoutez, je vous préfère le taire. Je préfère que mon identité soit inconnue. Ouais, fils de pédiatre, fils du doc. C'est jeune. C'est chaud. C'est bon. Merci. Allez, emmène-moi. Plus fort. J'entends rien. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est Spitz, il déconne. Ouais, bon allez, tu lui dis au revoir à lui et c'est terminé. Allez hop. À qui? Bonne nuit. Est-ce que je peux répondre? Et qui? Monsieur Spiff. Mais je viens de te dire au revoir. Mais pourquoi vous me dites au revoir? Je te dis au revoir, c'est tout. Au revoir. Je peux pas se faire pour me faire aller sur Skype. Allez, au revoir. Je réponds à votre débat. Non, c'est fini, c'est pas la peine d'avoir discuté. Non, mais ça y est, au revoir. Peut-être que vos parents... Merci. Eh putain, mais c'est la dernière fois, Manu, que tu me fais ça. Je ne veux pas entendre un mec parler de ma vie privée comme ça en direct. Ça regarde pas les gens si je viens de la ok. Première et dernière fois. Clair, net, précis. Parce que sinon, c'est avec Max que tu as réglé tes comptes, là. Ok. En de bon entendeur, salut. Alors, Sprint. Hey, salut, c'est Patrick, la voix du mélo. Salut Patrick, ça va? Mais est-ce que tu peux me répéter la question parce qu'il y a un petit peu trop de bordel là. À quel âge survient la boulimie pour les enfants? Ah, il n'y a pas d'âge. Tu peux être atteint à n'importe quel âge. Je crois crois pas trop à l'histoire d'allaitement tout à l'heure. Je pense que c'était un peu du. Non, mais moi non plus, j'y crois pas là-dessus. Ouais. Hein. Ouais, même le coup du rose bis de 7,9 kg, ça me paraît un petit peu. Non, mais même. Non, même. Vrai, hein. Mais non, mais attends. Tu peux pas. Mais attends, mais tu peux pas passer 7,9 kg à la naissance, voyons. Mais bien sûr. Ta mère, elle est normande alors que t'es le lion. Hey, tu prends pas les impôts des comptes, toi. Tu déménages dans la vie, hein. T'es à Lyon, hein. Toi, t'es né où, toi? Moi, je suis né où ça te regarde pas. Vibeur d'Irlande. Trent. Ouais. Ouais, ça y est, je viens de répondre. Bon, j'ai un auditeur pour toi, Gégé, si tu veux. Vas-y. C'est Mitch Buchanan. Ah. Ok, les mecs, bonsoir. Salut. Moi, j'avais Hannibal Smith sur rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, il te passe le bonjour. Non, bah, je m'en fous. Comment qu'il s'appelle celui-là? Mitch Buchanan. Mitch? Mitch Buchanan. T'appelles d'où? J'appelle Malibu. De Paris. Exact. Bien ouais, non, pas de Paris, il est de Caen. Ah, je suis grillé. T'es de Caen 107.9. Exactement. 107.7. Exactement. Et tu serais pas l'ex-Michel de Caen, non? Voilà, c'est ça. Presque pas. Allez, au revoir à lui. Pour calmer le débat. Allez, hop. Celui-là, j'en veux pas dans mes débats. Mais vas-y, enculé, va. Eh, enculé toi-même, connard. Ah, non, pas d'insulte. Oh, là, là, là. Alors là, tu peux lui dire au revoir, hein, celui-là. C'est terminé. Mais je t'embrasse et je passerai tout. Là, c'est terminé. T'as un mousse qui peut. Tu peux lui dire au revoir à lui. Mais je t'embrasse et je passerai tout. Bon, allez. Bise. Gérard, j'ai une très bonne question sur IRC de Yankee. Il te demande si on peut savoir avec une échographie si l'enfant d'une femme sera boulimique ou pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. S'il commence à bouffer les intestins, c'est que c'est un mauvais signe. Hein. Non, parce que quand répète-toi. C'est savoir si on peut déceler une boulimie par l'échographie chez un nouveau-né. Ouais, je pense. Non, mais attends, t'es né comme ça, toi. Non, mais je connais le problème. Ouais, tu connais le problème, tu connais rien. T'écrases. Elles tiennent plus dans les breaks, enfin, si j'en. Eh, celle du 15e, attends, merde, d'accord, connard. Bim. Ok. Ça rejoint le truc qu'on me disait sur Henri tout à l'heure. Bon, alors vous me faites chier, c'est terminé, mais j'arrête le débat. Terminé, vous me faites chier tous les deux. Mais j'habite pas dans le 15e. T'inquiète, tu vas faire enculer maintenant. Mais on a le droit d'habiter. Tiens, m'appelle précis. Maintenant, tu vas fermer avec le 15e. Ok. Maintenant, t'arrêtes. Ben oui. Et t'arrêtes de te foutre dans ma gueule. Je me fous pas de toi. Mais c'est tout à l'heure, tu vas m'enfler. Ok. Bon, j'ai raté un épisode. T'as raison, là. Calme, on se calme. Maintenant, c'est terminé. Je vais pas m'énerver, ça va être ma montre. Ok. Non, t'arrêtes! Ok? Sans me dire ton merde, elle camisa sans me perdre! Mais j'avais pas dit pas pareil! D'accord, maintenant t'arrêtes avec ça! C'est bon! Ok? On arrête! Ça, match c'est terminé! Tu vas m'enfler avant! Parce que là, tu vas te retrouver avec son père sur le dos! Il est lourd! Ok? Alors maintenant vous arrêtez! Père net et précis! J'entends encore une connerie comme ça, c'est fini. Et toi là-bas? Arrête, Gérard. Et toi là-bas, t'arrêtes. Laisse les enfants en diffusion. Ça, c'est un peu de votre faute, là, ce qui se passe avec Sandy. Mais non. Hein? Vous avez assez salué avec elle. Maintenant, on en a marre, et moi aussi. On était sur le point de se séparer avec vos conneries. Ah, merde. Waouh. Vous avez chahuté avec elle? Je sais pas. On peut pas t'expliquer là, hein. Non, mais de toute manière, il a pas besoin de savoir. C'est pas tes oignons, vaut mieux. Quand tu fermes ta gueule. T'as le droit de faire plaisir. Maintenant, tu fermes ta gueule, tu as continué. Il te reste moins d'un quart d'heure à continuer. Okay. Avant que tu te prennes la montre dans ta gueule. Okay. D'accord. Ok. Mais calmez-vous. C'est vrai. Non, 250 la montre. 2 euros. Je crois que c'était tirette à 2 balles. Ouais, c'est ça. Avec une main qui colle. Sprint, Féloche, hop, au revoir. Terminé pour toi. Enfin. Allez, hop, bonne nuit pour les camps. Allez, terminé. On a qui maintenant? On a Mr. Gang. Mr. Gang, du coup. Il manquait plus que ça, merde. C'est qui celui-là? Je sais pas, normalement c'était Tristan, ou un truc comme ça. Non, lui, on lui a dit au revoir. Non, un autre Tristan. Non, non, Oui, c'est moi. Loulou, bègue. Bonne nuit. Non, non, moi, tu me prends des auditeurs qui veulent répondre aux questions correctement, c'est pas la peine de me prendre des navets. Bon, Gérard, pour calmer le débat un petit peu sur l'IRC, j'ai un sondage réalisé par Noix de Coco. À la question « Connaissez-vous des boulimiques connues ?», 19% des gens sondés ont répondu « Oui, surtout dans des foyers ». 33% ont répondu « Non, que Big Bill, mais c'est un extraterrestre ». 3% ont répondu « C'est quoi un ECTX ?». Et enfin, 72% ont répondu qu'ils répondraient que si Gérard portait des slips petit bateau. Alors déjà, pour répondre à la question, les ECTX, c'est pas le thème du débat. Bonne nuit. L'histoire du Big Bill, ça c'est mon problème, c'est pas le mien, c'est pas le sien. Mais sinon, pour répondre à la question, est-ce que toi tu connais des boulimiques connues? Boulimiques connues, non. J'en connais aucun. Fudlard. Quoi, je travaille. Tu peux faire encore plus de bruit, s'il te plaît? Je vais essayer. Hein? Ça, comme ça, on peut encore mieux travailler avec toi. Ok. Ouais, je crois. Bah, je crois que... Ah, Yankee, ouais. Tu connais un boulimique connu, vu que tu connais Sauvé Willy. N'importe quoi. Ah, ouais, là, là. Je vois pas le rapport. C'est gros et c'est noir et blanc. Donc, il nous reste Bifidus et Monsieur Mazur. Oui. Et on accueille donc Patrick. Bonjour, Patrick. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, monsieur. Je disais, bravo, chez mon gars. Comment ça va? Bonjour, les gars. Oh, ça y est. Bonjour, Loa. Ça y est, on a parlé, on a des boulimiques. Salut, Mokhtar. Bonjour, comment tu vas? Ça va, Mokhtar? Oui, ça va bien. Ça va bien avec toi? Bon, vas-y, Gérard. Oh là. Tu comprends rien, mais ça te fait marrer. La boulimie. Attends, j'en ai un quatrième pour sur la boulimie. Voilà, tais-toi. J'en ai un quatrième pour répondre. On accueille Henri Basmati. Bonsoir, c'est Henri Basmati. Tu as des pépettes? Bonsoir Henri, bonsoir. La pépette a une portée, ouais. Tu as pu enculer, toi. Ah, bonsoir tout le monde. Allez hop, tu... Bonsoir monsieur Basmati. Bonsoir. Alors, bonsoir. Tu m'appelles Couscous là pour finir le débat. Mais Couscous est décédé malheureusement. Non, allez hop. Tu me viens l'autre là. Il a glissé sur le tête d'avant. Tu es tout fait avec une boulette, etc. Pourrait-on avancer dans le débat? On peut y aller là. Alors, la boulimie peut-elle être une maladie ou un fardeau? On va demander à Mokhtar. Oui, tout à fait, la maladie est un fardeau. Tout à fait. Tu as raison de le souligner, je crois. Tu as totalement raison. C'est une maladie, c'est un fardeau. Ouais, doucement. Hey, oh. Tu as raison. Oh, Manu, ouais. Tu dis à Mokhtar là qu'il se calme parce que là il m'a... D'accord, je suis plus calme. Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, moi je répondrai à votre question par l'affirmative. En effet, la boulimie est une maladie vu que ça se traite. Mm-hmm. Donc ça se traite. Alors, soit vous avez le gros, la grosse, bouboule. Mm-hmm. Non mais je pense que pour l'instant ils ont. Je pense que Bifidus. Bifidus. Oui. Qui c'est qui nous reste là? Parce que j'entends qu'il y a quelqu'un d'autre. Manu. Et Bifidus, il y a Henri Basmati quand même. Non, j'ai dit au revoir. Henri, à Mark Dark, t'as dit au revoir. Non, c'est pas moi. Hein. Ah bon non. Alors, moi, je suis là, tranquille. Alors, Henri, donc, t'appelles d'où, toi? Moi, j'appelle de Pithiviers, je t'ai dit tout à l'heure. T'appelles de Pithiviers, tu me l'as jamais dit? Ah, si, mais tu gueulais, t'as pas entendu, mais Pithiviers. Je gueulais après Mokhtar, là, parce qu'il me cassait les pieds. Non, je suis poli quand même. Ouais, enfin, tu peux le dire, hein. Non, mais je suis poli. Pithiviers, c'est du côté d'Orléans, c'est quelle fréquence, ça? Alors, c'est 103.3. Ouais. Ok. Donc, oui, Manu, on accueille Poussette aussi. Poussette. Oui, bonsoir. Bonsoir, Poussette. T'appelles d'où? Bonsoir, Mathieu. J'appelle d'ici les Willow, 100.9. Merci. Bonsoir, les pouces. Bon, alors, la question, c'était la boulimie est-il une maladie ou un fardeau? Donc, avec Monsieur Mazur, si des fois vous pouvez reprendre ce que vous disiez. Oui, alors, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, oui, bien entendu que c'est un fardeau, cependant, c'est à déconseiller, parce que, je veux dire, traîner un boulimique qui pèse aux alentours des 160 kilos en tant que fardeau, c'est pas très, enfin, bien que ce soit très sportif, ça n'est pas très agréable tout de même. Non, mais on parlait de maladie. Oui, absolument, j'ai répondu. Parce que vous, non, mais vous parlez de maladie. Absolument, j'ai répondu côté maladie. En effet, ça s'en est une, puisqu'il s'agit de se faire traiter. Alors, soit on se fait traiter de grosses balais de mystère, que sais-je encore. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense que Bifidus va être d'accord, Henri et Poussat aussi. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils ont pas encore trouvé le remède. Le médicament adéquat pour que ça s'arrête, cette histoire-là. Mm-hmm. Hein? Écoutez, peut-être fabriquer un peu plus gros pour les boulimistes. Oh, monsieur Mazur. Oui. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Je suis tout à fait calme. Non, mais pour l'instant, je demande à Bifidus, à Henri et Poussat, là. Ah, excusez-moi. Ouais. Donc, alors? Ben, ouais, non, il a raison, monsieur Mazur, en fait, les cachets... Non, mais je viens de demander, est-ce qu'il y a un médicament qui a été trouvé ou pas? Pas encore, non, ça va venir au bout d'un moment. Non, mais je pense qu'à mon avis, ils sont loin de trouver quelque chose pour ça. Hein. Monsieur Gérard, si vous me permettez, quand bien même trouverait-il un médicament, je leur déconseille fortement de faire ce médicament en forme de suppositoire, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour des raisons pratique. Tout à fait, oui. Hein, parce que, n'est-ce pas, pour une personne très très grosse et grasse, c'est dur, à l'aide de ses deux doigts simplement, c'est une mission extrêmement difficile. Faut dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas trouvé le médicament. Ils ont trouvé des médicaments sur certaines maladies, mais sur cette maladie-là, pas encore. Hein. Oui. Donc on va pas... Oui, j'ai une très bonne question de Pierrot 2001 sur l'IRC. Il te demande si la boulimie est un nouveau style de mode. Un nouveau style de mode, non, parce qu'on peut pas dire que ça rentre dans la mode. Parce qu'en fin de compte, pour être mannequin, pour être maigre, faut faire à peu près 60... Mais tu sais, il y a des agences de casting qui recrutent des laids et des gros. Non, mais pour l'instant... J'ai une adresse, si tu veux, d'ailleurs. Non, mais oui, bien sûr, mon site internet, c'est ça? Non, radiogérard.fr, on n'oublie pas, mais... Voilà, d'accord. Tout à fait. Donc, je peux dire que non. Donc on va continuer. Un peu de brise. Hein. Tu me donnes. Chute là. Bah non, on va pas mettre un disque à cette heure-là. Hein. Bah si, si. Bah non. Dans 10 minutes. On a encore une demi-heure d'émission. Gérard, continuez. On finit à 2h15, donc je mets un disque. Mais qu'est-ce qu'il dit, le gars, Jean-Marie Bigard? On met un disque, Manu, s'il te plaît. Le disque. Mais on voit l'affiche. Ah, d'accord. Ta gueule. Ta gueule toi-même, toi. Et d'accord. Arrêtez d'être mal poli, merde, il y a des gens qui ont la guerre. Poussette, Henri, vous restez poli, sinon... J'ai rien dit, tranquille. Alors, la boulimie du Resto du Cœur avec Non, mais c'est quoi? Non, répète, parce que tu dis, voilà, vous êtes sur Fun, c'est le débat de Gérard. Donc, la question, c'est combien peut-on absorber de nourriture quand on est boulimique? Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Donc, Manu est toujours au standard. Rigo, sur l'internet, avant la pause musicale, on peut avoir le petit sondage... Minitel, Internet. Alors, le c'est pas connecté sur Minitel. À combien qu'on est? À combien qu'on est? J'arrive pas à lire. 10 037. Ouais, alors 10 037. J'écoute pas 103.7, hein, je vois pas. Le... Non, 10 037, ok. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler. Je suis toujours à l'arrière, mais je peux du cul. Fildar, toujours à l'arrière avec le petit écho qui vient de me mettre. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler. J'ai des propositions pour France Info. 0803-08-5000. Et donc, la question, c'est combien peut-on absorber de nourriture quand on est boulimique? Et on va s'écouter la boulimique des Restos du Cœur avec un bon jus. Hein? Henri m'enfile dans son break. Alors ça, j'ai un truc dans la gorge. Ouais. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin du débat. A tout de suite. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce qu'elle annonce. Minuit, 2h. Alors, moi, samedi, j'adore la fellation, tout ça. Le débat de Gérard. Et voilà, donc en fin de compte, c'était pas ce qu'on venait de ce que j'ai annoncé. Et c'était donc les Bee Gees avec Stenoline, donc la bande originale de La Fièvre du Samedi Soir. Oh, génial. Et voilà, donc. C'est génial. Tu cartonnes, mon con. Oh, ta gueule, toi, reste tu cartonnes. Je te limite. Et alors, hey, donc, Gérard. Quoi? Oh, est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? N'importe quoi. Donc, on a toujours Bifidus. Oui, toujours là. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Henri. Yes. Poussette pour terminer. Il est là, ça? Salut, mon pote. Tu veux que je te foute un coup de gland pour te replacer la colonne? Alors, Poussette. Poussette, tu vas voir, si tu ne manques pas une roue, je te dis au revoir. Oh, salut, mon pote. Au revoir. Oh, putain, alors, joué, partie de... Allez, hop. Celui-là, il va voir si lui manque pas une roue quelque part. Ok, super. Au revoir. Eh ben. Alors, Rigo, oui. Merci, Pilda. Merci. Alors, Rigo, ouais. Une question IRC, parce que je vois que t'as allumé ton micro. Pilar, s'il te plaît, tu me coupes pas moi au micro sans arrêt. Pour rien. Et il y a Dame sur IRC qui te demande le pourcentage de boulimique en France par rapport aux États-Unis. Ah. Bon, ça c'est à peu près 50. Merci, Pilar. C'est pas moi. Merci. Combien à mon avis, c'est... Je pense... Pilar, s'il te plaît, tu arrêtes, j'en ai marre. Je pense pas que ce soit lui, mais vas-y. Si, c'est lui. Ah. À mon avis, c'est 50-50, hein. Ah, d'accord. Et il y a Blue Cool qui voulait savoir si tu te laisserais sucer par une boulimique. Non. Si quelqu'un regarde. Non plus. Bah, non plus. Ouais. Le 15e, j'en ai marre, vous me fatiguez avec ça. Manu, oui. Oui, on accueille Norman Tuttle. Bonsoir à tous. Salut Norman. Bon, ça va bien, bon anniversaire Rigo, mon pote. Merci. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9. Tout à fait. Ma punaise, on a pas beaucoup de personnes de. Je crois de province, local, hein. C'est pour ça. Alors la question c'est combien peut-on absorber de nourriture quand on est boulimique? Ça dépend des jours, hein. Ça dépend des alors, jours. Madame. Quoi? Madame. Norman. Bah en fait ça dépend du boulimique, parce qu'il y a plusieurs degrés dans le boulimicisme. En fait, oui, ça dépend des boulimiques. Je vais aller me coucher là, parce que je suis fatigué. Bon, d'accord, allez, au revoir. Je vous dis franchement. Allez, au revoir, c'est pas la peine. Ça dépend des sacoches. Hein, non, mais attends, l'autre, il me dit je vais me coucher, il va pas répondre, alors bonne nuit. Norman Tata, il va se coucher, je crois. Henri. Ça dépend comment t'es boulimique, en fait. Non mais attends. Plus t'es boulimique, plus t'es gros, plus tu manges, et plus tu manges, plus t'es boulimique. De toute manière, la nourriture, c'est fait pour quoi, à ton avis? Bah pour bouffer, bah oui. Bon, de manière, si on est boulimique, c'est parce que... Tu la prends dans le cul si tu veux, mais moi, personnellement, je la mange, quoi. Henri. Perso, mais attends, mais chacun fait ce qu'il veut. Non, mais Henri. Ouais. Henri, pour l'instant, t'étais bien parti sur la réponse, mm-hmm. Donc tu continues à répondre correctement, ou sinon je vais te dire au revoir. D'accord, yes. Ok. Ouais, bien sûr. Alors, tu réponds correctement maintenant. Ah bah c'est bon, ça y est. Ça y est? Ouais, c'est fini. Monsieur Mazur. Oui. Bon, écoutez, moi je vous répondrai l'équivalent de 4 porcs. C'est-à-dire? Eh bien, 1, 2, 3, 4 porcs. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Pareil. Je pense que... Attendez-vous, oui. Je pense qu'alors, pour l'instant, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Alors, absolument pas. Non, pas du tout. Vous demandez l'équivalent, enfin, combien de nourriture peut-on ingurgiter lorsqu'on est boulimique? Je vous réponds, environ l'équivalent de 4 porcs. Maintenant, il reste, n'est-ce pas, à décider de combien pèse chaque porc. Non, je conseille, si vous permettez, je préconise pour un boulimique. Alors bien entendu, le but n'est pas de manger pour grossir, mais de manger pour se nourrir et faire un apport en vitamines surtout. Alors, moi, je préconise essentiellement une race porcine qui nous vient de la ville de Troyes, qui est vraiment une très très belle race porcine, les Spiroulots. Bon, monsieur Mazur, au revoir. Pourquoi, monsieur Gérard? Au revoir, monsieur Mazur. Au revoir, monsieur Gérard. Au revoir, monsieur Mazur. Monsieur Mazur, bonne nuit. Monsieur Gérard. Monsieur Mazur. Un dernier petit détail. Non, excusez-moi. Juste un petit big up à monsieur Rigaud que j'ai oublié de. Voilà. Bon anniversaire, monsieur Rigaud. Merci, monsieur Mazur. Voilà. Alors, monsieur Mazur. Je vous embrasse. Ok, ben moi, pour. Au revoir. Au revoir. J'ai une très bonne question de Blue Cool sur les RC. Il voulait savoir si tu aurais aimé avoir une fille boulimique. Non. Non, parce que de toute manière, la boulimique, de toute manière, c'est quand tu manges. Et à force de manger, ça dépend ce que tu manges. Mm-hmm. Parce que t'as certains aliments qu'il faut manger normalement, pas trop, pas dépasser. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est pas évident. Ce n'est pas évident là-dessus. Bifidus. Ah, Bifidus à l'arrière. Bifidus a raccroché. Ça m'étonne quand même. Ah, c'est bizarre. Faisons un deuxième essai. Bizarre. Bon alors, qui c'est qui nous reste, On a Bifidus, on a... Henri Basmati. Ben non, on y a dit au revoir, Henri. Non, on a dit au revoir à Monsieur Mazur. Ah, qui c'est qui nous... Et on va accueillir un troisième auditeur qui s'appelle Purée Pousseline. Alors, Purée... Pousseline. Pousseline, ouais. Pas Mousseline. Non, Pousseline. Bah alors. Oh là là, mais merde. Mais c'est quoi, là? Je sais pas, faudrait faire un troisième essai, peut-être. Non, mais Manu, Fulgar, s'il te plaît, tu peux... Alors, Purée Pousseline. Ouais, salut. Ah, bah tu vois. Ça va, ça marche, nickel, tranquille. T'appelles d'où? J'appelle de Créteil. 101.9. Je vais sous chien. Ouais. Bifidus. Oui. Oh, mais ça y est, là, vous arrêtez avec les lignes en direct, là. Qu'est-ce qu'il y a un clef, là? Couché. C'est moi, il va se calmer, attends. Couché, pépette, couché. Bon, Purée Pousseline, au revoir. Mais avec qu'à moi que j'ai rien dit, là. Mais quel PD, ce mec. Ah bah alors là, tu vas te faire foutre, au revoir. Allez, terminé pour toi. Viens, pépette, viens. C'est quoi ton chien, c'est Internet? Couché, non, c'est... non. Allez, tu es Manu. Quoi, mais quoi Purée Pousseline, au revoir. Ça y est, Purée Pousseline, il est plus là depuis longtemps. Pépette. Bon, allez, on fait conclusion du débat parce que mon père tient là ce soir. Attention, Pépette, papa va se fâcher, hein. Allez, conclusion de l'IRC. Excuse-moi, Gérard. Conclusion IRC terminée, c'est fini, là, vous me faites du bordel, là, tous les deux. Ah, tu les prends un peu tard pour la conclusion, un peu tôt, plutôt pour la conclusion. Bah non, bah, de toute manière, apparemment, comme au standard, ils sont en train de foutre le bordel. Non, c'est Manu qui déconne, hein, mais bon, nous, on attend les questions. Je sais pas ce qui se passe. Alors, on a Bifidus. Oui, je suis toujours là. On a Bifidus. Après, rien. On a Bifidus, on a Henri. Il y a Henri, ouais. On a Je te pète au zen. Quoi? Je te pète au zen, bonsoir. Je te pète au zen. Je te pète? Je te pète au zen. Ouais. C'est d'où ça? C'est d'où? T'appelles d'où? Ouais, j'appelle de Nancy. Nancy? Ouais. Ta fréquence? 82.8. Avec un téléphone pourri. Ah non, il y a du larsen, c'est pas moi. Alors tu te calmes, mon téléphone, il est très bien, tranquille. C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Mec. C'est de la caca, c'est vrai. Vous êtes fou, et on a aussi Charles Ingalls. Quoi? Salut, bonsoir Charles. Charles, t'appelles d'où? Moi, j'appelle de Walnut Grove. Hein? Walnut Grove. Walnut Grove. C'est où ça? C'est une petite ville à côté de Sleepy Eyes. J'aime bien tes bretelles, Charles. Bon, tu me donnes ta fréquence correctement, s'il te plaît, parce que là, tu m'énerves. 96.9. Voilà, enfin. Moi, je t'appelle en fait parce que là, j'ai un problème. Albert, il arrête pas de bouffer là. Quand j'ai les caries. Elle arrête pas de bouffer, je sais pas. Moi, je joue du violon toujours. Bon. Dernière question. Je crois qu'il s'évanouit pendant un match de baseball. Il reste à tomber. Dernière question. Quel sport peut-on faire si on est boulimique? Quand on est boulimique, qu'on va demander à Charles, là. C'est boulimique. Ouais, c'était clair, là. Du coup, sumo, déjà, ça serait bien. Sumo, je crois qu'ils sont tous un peu boulimiques parce qu'ils sont... Enfin, ils doivent manger du riz. C'est vrai. Ouais, de toute manière, les sumo, ils sont quand même gros. Oui, ils sont gros, c'est vrai. Gros. Mais je pense que ça m'étonnerait qu'ils... C'est des gros muscles. Bon, alors après. Alors après, attends, est-ce que tu pourrais mettre. Non, mais quel sport? Quel sport? Oh là là là là là là. Je prends trois briques. Bon, d'accord. Allez, Charles, les trois briques. Au revoir. Allez, briques, c'est quoi ton mot? Tu vas faire les trois briques dans ton lit. C'était pour quoi là? Yo, c'est Ménélic, pareil. Bonsoir. Bonsoir. Stepo. Et qui se pose? Je te pète aux zen parce que. Oh là là. Comment tu le disais? Ouais. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Attends, mais vous me faites chier, hein. Allez. Quel sport peut-on pratiquer quand on fait de la boulimie? Bah ouais, bah... De la boulimie. Il n'y a pas grand-chose, hein, franchement. C'est-à-dire? Bah pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Il n'y a même aucun, à la rigueur, on va dire. Ah bon, tu pratiques aucun sport? Ah non, pas moi je suis un grand sportif, moi. Ouais, tu fais quoi comme sport? Tout le monde le sait, ouais. Je suis un skater et tout, je me pète le poignet, des trucs de ouf. Hein. Ouais, tu fais de la veuve poignet, d'accord, on a okay, compris. Ok, d'accord. Henri. Non, Marie, comment ça va? Je vais te foutre un coup de pute dans l'oreille, moi. Un gros bisou musclé comme toi. Okay. Manu. Ça y est, j'ai coupé. C'est pour faire ça. J'ai coupé, ça y est. Henri. Moi, je pense que pour les sports, ouais, c'est chaud. Tu peux regarder la télé en bouffant des chips. Non. Quel sport peut-on faire? Tu peux faire du ménage. Tu peux faire du ménage, tu peux tourner ta pelouse, mais pas plus, hein, parce qu'il n'y a pas moyen. Sinon, tu sais comment c'est, vu que t'es gros, tu t'es essoufflé. Après, tu t'essouffles. Ouais, tu t'essouffles et si tu perds ton souffle, bah, tu peux pas, c'est tout. Bah, t'es essoufflé, quoi. Tu peux pas, au mieux, tu fais des dominos, je sais pas, un truc comme ça. Pildar, s'il te plaît, tu me laisses mon micro allumé pour la dernière fois. Il a à dire. Parce que tu t'as. Gilder, tu me laisses mon micro! Mais il est allumé, moi j'ai mon micro d'allumé, regarde! Ouais, tu m'entends? Tout le monde t'entend, hein? Ah. Merde, malheureusement. Ouais. Non, mais de toute manière, c'est les derniers là, ouais, bah, hein. J'en accueille un nouveau là, pour finir. On accueille Laurent Broumed. Je continue, ça a bien marché. Laurent, sur quelle fréquence? Sur le sens 2.7. Gilder, c'est la dernière fois que je te dis de me laisser mon micro allumé! Il y a des baisses de niveau, j'y peux rien. Ça se passe des trucs bizarres quand même. Ah, 102.7, je suis à Lille, c'est pourri de nord. Attends, il cherche quelque chose dans ses poches. 102.7 Ouais, à Lille. Zippo. Alors, Zippo, c'est un truc Chester à deux fronts. Alors, Laurent. Mon frère, il joue à Calais hein, quand même. Bon, Laurent, donc pour toi. Pour moi, je sais pas, c'est quoi le mot? En 4. Quel sport peut-on pratiquer quand on fait de la Bolivie? Alors, sport. Alors, sport. En briques. Il y a combien de briques? En 4, je te dis 4. 4 briques. 4, alors, sport. Gros pain. Je dis panne. C'est panne. Gérard. Arrête. Panne. Sodomie. Non. Asiatique. Cristalline. Attends, il arrive. Asiatique. Personique, t'as un sport. Tu dégages, Chico. Panne et asiatique. Tu dégages. C'est signé. Tu sors. Bah, j'ai dit. Sandy. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est humain? Ouais, Sandy, ouais. C'est une pute. Hein. Allez. Il a voulu mettre un coup de pied, je me suis protégé, donc j'ai arrêté ça. Bah voilà pourquoi tu frappes aussi. Il est fou, quoi. C'est normal, il a voulu se protéger. C'était le ménisque. Ah, c'est chaud. Donc j'ai esquivé une parade et donc je suis malencontreusement tombé sur sa jambe malade. Les auditeurs. Oui, ils sont là. Si veut, j'ai une jambe en plastoc. On va dire, reviens, Captain Crochet, reviens. Et après, vous faites. Tu l'as mis à Mawashigiri direct? Non, j'ai pas mis un coup de pied, tu vois, je me suis protégé avec mon pied. T'as bloqué, quoi, en fait? Ouais, j'ai fait un bloc pass. Ouais, ok. Et ça, c'est triangle plus croix arrière. Hein. Mais tu sais que t'aurais pu désintégrer la jambe. Hein. C'était un beau combo. Ouais. Il a mal le dos. Faudrait l'amener au skatepark, hein. Tu joues un vieux jeu Frogger, ils sont agglomérés, laisse tomber. Qui a joué à Frogger? Il porte plein de problèmes. C'est terminé, je. Sa jambe de bois qui est bouffée par les termites, laisse tomber. Je te jure, il a rien. Si ça se trouve, ma parole, tu manques. Sésame. Tu l'as morflé. Faut demander peut-être. T'inquiète pas. Ouais, tu vas voir. Je vais te donner des coups aux gens. Il n'avait pas besoin de me refiler un coup sur les agrafes qui viennent se. Mais si. Mais non. Il l'a pas exprès, donc c'est terminé. Allez hop. Il est pas comme ça. Mais si. Tu voulais me foutre un coup de pied, moi j'ai mis mon pied pour éviter ton coup de pied. Tu m'en as remis un dedans. Je suis désolé, t'as touché dans la plaque. Non, Manu, il a rien vu. Moi je témoigne, finalement. De toute façon, on est remis dans le bureau, ça s'appelle une agrafeuse. Donne ta chambre. Ouais, une agrafeuse, tu vas voir. Je vais te mettre une agrafeuse. Allez hop, terminé. Ils prendront un bouton dans la lutte en titane. Hop, terminé, les deux en titane. J'ai vu mieux comme débat. Ouais, tu m'étonnes. Bon, tu fais la conclusion. Bipulis, toi tu fermes ta gueule. Parce que tu me coupes mon micro, maintenant tu dégages. Hop, je veux plus te voir. Je veux plus te voir dans les studios. Assis-toi bien sur ta chaise, t'es bancal. Ouais. Bifidus. Bifidus. Oui. Conclusion. J'ai pas répondu, mais je veux bien conclure. Hein. Si tu veux répondre à la dernière question. Non, j'ai pas envie d'y répondre. De toute façon, ta question, elle était pourrie. Comme ton débat, d'ailleurs. Yes. J'ai remarqué que c'était le débat le plus pourri de l'année. Et ça me fait de la peine parce que ce soir, c'était l'anniversaire à Rigaud. Et si t'es pas content, le prochain coup, on te sélectionnera pas, d'accord? Je t'emmerde. Eh ben moi aussi, pétasse. Voilà. Henri. Ouais, bah écoute, c'est vrai que moi je trouve que les débats ils étaient mieux quand t'avais encore tes plaques. Bah ouais. T'as dû perdre ton sens du débat en même temps que les plaques. Et puis sinon, moi je connais un bon truc. Ah oui, je voulais te dire pour ta copine qui est quand même un peu bolémique, hein, on en a pas trop parlé, je respecte. Ouais. Moi j'ai un truc pour elle, si elle veut maigrir, il suffit qu'elle ne monte pas du frisky trois fois. Manu, je crois qu'il t'appelle, Julien. Je crois qu'il a envie de câlin, j'ai envie de câlin. Alors moi, samedi, voilà. J'adore la saisonnière. J'ai envie de câlin. Mais quoi ? C'est même pas la peine. C'est même pas la peine qu'on. C'est même pas la peine qu'on continue de faire des conclusions. On avait encore, je te fais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire des conclusions avec quand j'entends dire j'ai envie de câlin et c'est ça. Donc terminé. Terminé. Bâtard toi-même, connard. Non, mais c'est tout, c'est tout. Allez, hop, au revoir. Vas-y, on a encore Laurent Broumed. On n'a pas fini, c'est le ping-pong. Ouais. Alors, la conclusion, bon, déjà... Mironton ou Barjabul ? Moi, je prends Mironton. Combien de cases ? 4. Ok. Alors, la super pyramide. Alors, le premier mot... Moi, je dirais... C'est pas chaud, c'est pas chaud. Conclusion ! Pas chaud, donc c'est... Allez, bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est pas une dent. Conclusion. C'est pas une dent gencive, c'est trois gencives. Okay, voilà. Conclusion d'IRC. Alors énormément. J'ai froid aux gencives. Se passe. Tu vas finir. Manu, tu me l'éteins. Tu as le droit de dire. Attends, je suis en train de jouer. Il n'y a plus de chauffage. Faut pas déboîter les jambes encore. Foyer. Ouais. Vas-y, à toi. Conclusion sur l'IRC. Alors, conclusion sur l'IRC où on a quand même fini à énormément. C'est-à-dire presque 11 000. Tiens, on a fini à 10 937. On a failli faire 11 000. Apparemment, les auditeurs ont trouvé que ça gueulait un peu trop, malheureusement. Alors, conclusion pour eux. Alors, conclusion IRC de Yankee. Avec un boulimique, on a le gras. Avec un diabétique, on a le sucre. Vive les crêpes. Et encore merci, GG, d'avoir sauvé Willy. D'accord, celle-là, ça m'aurait étonné. Après, une conclusion de Cusard qui dédicace Turpentine en disant que ton débat avait peut-être ni queue ni tête comme toi, mais il était enfoui avec des bourrelets de ton cachalot qui a toujours envie de câlin. Oh là là là là. Alors mon cachalot, il l'emmerde. J'avais pas eu le temps de lire la fin. Et après, Cody qui dit que GG est toujours un obèse de la connerie et puis il ne sait toujours pas se servir de son cerveau sauf aux chiottes de la loco. D'accord, bah ils vont se faire foutre alors que j'y vais plus. Voilà. Et pour finir, conclusion de Destroy qui dit plus il y a de boulimique, plus on rit en se foutant de leur gueule. Oh, ça c'est vilain. De toute manière, il fait ce qu'il veut. De toute manière, s'il a envie de dépenser son pognon, c'est pas mon problème. Non. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, sur le débat auditeurs ce soir. Donc, on a fait quand même 10 937, apparemment. Voilà. Donc, c'est le dernier. Ah, bah ça augmente encore, là. C'est le dernier. Ouais, c'était le dernier. Dernier chiffre qu'on peut annoncer là ce soir. Ouais. 2h15. On peut. Vas-y. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur le débat ? Phil Dart, tu arrêtes de te foutre de ma gueule parce que j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. C'est vrai. Donc, t'as fait du boulot de merde. Manu, comme d'habitude, vous savez pas faire du boulot. Alors, heureusement qu'il est revenu. Bon, tu dégages. Bon. Là-bas, tu m'éteins ton micro. Tu arrêtes ? Attention, pas de ouais. La jambe est fragile. Fais gaffe, parce que tout à l'heure, ça va être les bounties que tu vas recevoir. Je jambe, moi je m'en fous, ça. Bon, Manu, tu m'éteins ton micro. Une fois. Deux fois. Tu éteins ton micro. Deux fois et demi. Chaud. Bon, merci. Adjugé, vendu. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Bordel, encore, comme d'habitude, comme tous les jeudis. Tous les derniers jeudis de chaque mois, c'est toujours le bordel avec vous. Hein. On n'arrivera jamais à... Qu'est-ce que c'est que ce site hein ? Radio-Gérard.fr.fm. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma mère, elle est fan de toi. Retrouvez tout Gérard. Ma mère, elle est fan de toi, elle t'a envoyé des cotons-tiges. Ah, oh, c'est gentil. Je te les file. Hop. Elle s'appelle Monique. Ouais, ben... T'en veux pas ? Tu te la carres dans ton cul. Ah. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Ben, toujours des débats. De merde, c'est pas un débat de merde. Non, mais de manière toujours le bordel avec vous deux. Ça changera pas. De manière, je sais pas. C'est maintenant que ça va changer. Hein. Je pense qu'à la rentrée. Tu sais, s'il n'y a plus de bordel, je crois que ça marchera plus. Donc. Ben, de manière, je pense qu'à la rentrée, c'est même pas la peine qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Ah non, on t'a pas dit, t'es plus là. Oui. Ah, t'en sais rien, ça. Info. De toute manière, toi, tu vas sur France Info, l'autre, il va sur... Je vais sur Scouille. Lui, il va sur Nostalgie. Tu me rejoins à Europe. Ah oh ouais, chaud. Donc, ce soir, qui c'est que... C'est Rico. C'est Rico pour la nuit sans pub jusqu'à 6h demain matin. Ouais. Donc demain après, vous allez retrouver Bob... Bob et Marine, oui. Bob, Martin et Gwen. C'est pas Michael. Donc, Max sera à la loco vendredi soir. Ouais. Et samedi soir, il sera où? Parce que je voudrais bien le savoir. Au TGV. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. ça, je vais te dire une chose. Non, mais ça, c'est pas moi qui t'a donné ça. Non, non, mais... Quand... Ben, il sera au complexe Le Carré à Dijon. Ben, je peux l'avoir. Ah, tu peux répéter, ouais. Ouais, parce que c'est pas le temps de l'annoncer. Merci. C'est moi d'annoncer. Donc, Max sera au complexe Le Carré à Dijon. Paling, je crois que Max sera au Carré à Dijon samedi. Le Carré au complexe de Dijon. Le Carré à Dijon. Allez-y, nombreuses. Soirée tech. Allez-y, nombreuses. Le Carré à Dijon, samedi soir. Donc, bon. Dimanche, il y a Cool Chain d'Eclectique. T'as la gueule, toi. C'est pas toi qui commande le jeudi, c'est moi. Il y a une soirée skateboard de fun, non, demain à HL, non? Ouais. À cause de la skatepark, show. Allez, on va s'écouter sans contrefaçon, je suis un gros ton. Et Max sera samedi soir dans la Dijon, ouais. Vendredi soir, à la loco, salle du bâtard, à Oustek. Donc il sera donc au complexe. Attendez, il est parti. Il court après. Il court après un petit fils de barbe. Oh là, chaud. Donc Max sera où? Au Gérard. Carré à Dijon, non? Je sais pas, j'ai pas suivi. On va le savoir. Bon, vendredi. Le loco. Bon, toi, tu fermes ta gueule, c'est tout, c'est moi qui parle. Samedi, vendredi, Max, loco. Donc, Morgane, un groove dance. Ouais, mais on peut savoir avec qui, non? De quoi? Il sera peut-être avec sa copine, Morgane, je sais pas. Avec qui sera Max? Jean-Marie Couille, non? Qui c'est que. Max! Il ira peut-être avec sa sœur. Oh putain, vous me faites chier! Je sais pas, moi, avec qui il y va, Max. Il y va avec qui, Max, à la loco? Avec son frère, il a pris une bouteille là-bas, il va y être. Avec son pote, peut-être avec son pote Eric, ou je sais pas. Mais non, j'ai même pas le planning! Ben, il me donne rien, son porc! Oh putain, on te donne. Mais avec qui, où? À la loco, ce gosse de connard! Mais il est solo! Il est solo, il fait un set, il fait un mix! Il fait un mix! N'importe quoi! Non, mais il y a DJ Battery là, DJ Star, DJ Electrique et. Max à la loco vendredi soir et samedi 29 avril, complexe, donc au complexe, à Dijon! Donc allez-y nombreux parce que apparemment, je crois que c'est la deuxième fois qu'il y va, je sais plus! Non, c'est la première fois! C'est où? C'est à Dijon. Merde. C'est au complexe Le Carré, c'est ça, à Dijon? Merde. Allez vous faire foutre tous les deux. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais venir ça à Rigo. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais annoncer d'autre? Ben, rien d'autre. Donc on va s'écouter. Ben, le complexe Le Carré à Dijon. Et dimanche à Cool Chain. Non, dimanche à Cool Chain. Et si vous voulez poser des questions déjà au répondeur 0140 521 521, elles sont les bienvenues, merci. Voilà, et Cool Chain, il fait partie d'un groupe. NTM. Ah ouais. Tout a débuté un matin quand à 10h10. Je veux tirer du lit par l'emmerdeur de service. Mon point s'adulte suivant mon fan d'Elvis. Je passe ce week-end à foutre à fond des lives de Memphis. Le pire, c'est que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Sache qu'hier au soir, je suis sorti même jusqu'à 6h du mat. Tu peux comprendre ça, ça ne fait pas plus de 4h de sommeil exact. Je vais encore passer la journée la tête dans les femmes en plus. J'ai des rendez-vous importants, des intérêts. Donc c'est pas du tout ce que je vous en avais annoncé, mais ça sera c'est MTM avec la fièvre. MTM, espèce d'abruti. MTNM. Et bouffe tes rouleaux. Ta gueule, ma fière. Il peut pas, il en a pas.